Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Avant que l'opération On purge bébé, et Dieu sait si cela sera compliqué, surtout si les chouillous sont invités à déjeuner ce jour-là, avant que cette opération donc soit déclenchée, diplomatiquement puis quasiment militairement, il faudrait que bébé naisse. Et nous n'en sommes pas encore là, loin de là. Même dans la comédie qui vient, Léonie est en avance, ou le mal joli. Comédie en un acte, lorsque l'enfant s'annonce avant de paraître, et lorsque nous sommes chez Fedo, tout peut arriver. Les plaintes, le stoïcisme, rêver à un vase de nuit, porter à la place d'un chapeau haute forme, précisément, un pot de chambre sur la tête, etc. Après cette comédie, une autre. Bébé est donc né, enfin ce n'est pas le même couple qui est impliqué. Bébé a 7 ans. Bébé est assez indépendant d'esprit, on connaît l'histoire, sa mère s'inquiète car bébé ne va pas. Et l'on retrouve une histoire de seau et de pot de chambre. Oser comparer un seau de toilette, c'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, que l'on dissimule, tandis qu'un pot de chambre, un objet qui peut améliorer le sort des soldats, il fallait Fedo pour que les caprices de Toto soient de qualité et aient un intérêt dramaturgique. Il nous fasse donc rire. Fedo était au programme de France Culture le 4 mai 1975. France Culture et la Comédie Française vous invitent à écouter, sous la direction artistique de Jacques Régnier, deux pièces en un acte de Georges Feydeau, Léonie est en avance ou le mal joli, et On purge bébé. Les interprètes de Léonie est en avance, messieurs Jacques Ezer de Champrinet, Alain Feydeau tout doux, Gérard Caillot le récitant, et mesdemoiselles Yvonne Godot, Madame de Champrinet, Denise Jans, Madame Virtuelle, Paul Noël Léonie, Virginie Pradal, Clémence. À Paris, dans la salle à manger chez Toudou. Léonie, en kimono et Toudou, en pyjama, arpente la pièce de long en large. Toudou soutient Léonie. Ça va pas mieux. Oh, tais-toi, ne me questionne pas, tu me fatigues. Oui, oui. Oh, serre-moi les mains, serre-moi fort, fais-moi mal. Oui, oui, oui. Mais plus fort donc, mais je oui, te sens pas. Oui, oui, oui. Oh, tu sais pas ce que c'est. Ah, non. Attends, attends, je veux un peu m'asseoir. Je suis fatiguée. Oui, c'est ça, là. Ah, non, non, non, non. Serre-moi les mains. Oh, tu vas pas me laisser. Oh, tu vas pas me laisser, tu finiras de dîner plus tard. Bon. Oh, serre-moi bien la main, là. Fort, fort. Oui, oui, oui, oui. Oh, tu n'as pas l'air de t'amuser. Bah... Oh, c'est admirable. Monsieur ne s'amuse pas. Mais est-ce que tu crois que je m'amuse, mais, moi? Mais je ne dis pas ça. C'est moi qui souffre. Et c'est monsieur qui se pose en victime. Mais est-ce que je me plains? Tu me demandes si je m'amuse. Tu voudrais pas que je te dise que je m'amuse quand je te vois souffrir? Oh, souffrir! Oh, tu peux le dire, et par toi! Ah, par moi, oui. Eh ben, ça se calme? Un peu, oui. Ah. Monsieur ne mange pas. Si, tout à l'heure, ne vous occupez pas. Dites-moi, Clémence. Madame. On a prévenu maman. Par téléphone, oui, madame. Et la sage-femme. J'ai envoyé le concierge en même temps que chez l'accoucheur. Bien. Oh, tiens, va dîner, va. Tu as un air de sacrifié. Moi, mais pas du tout. Si, ça se comprend. Tu ne souffres pas, toi. Tu peux songer à manger. Oh. Va, profite du moment de répit, va manger. Mais, va. Mais non, mais je ne voudrais pas que... Mais va, je te dis. C'est bien parce que tu l'exiges. Mais hein. Oui, mais non, oui. Non, mais si tu as besoin de moi, tu sais, ne te gêne pas, je suis là. Hein. Mais oui, je te vois, merci. Tu veux pas manger un petit quelque chose? Enfin, ça te remonterait. Oh là là, manger, moi. Non, non. Moi, je souffre. Chacun son rôle. Bon. Qu'est-ce que vous apportez là? Du macaroni à l'italienne. À moi le calvaire, à toi les jouissances. Oh, les jouissances. Du macaroni à l'italienne. Non, moi, entre deux douleurs, je fais une patience, voilà. Ah, tu es courageuse. Tu Tu pourras raconter ça à bébé plus tard. À bébé. Oh, mon Dieu, qu'il est fort. Bébé? Mais non, le macaroni. Mais qu'est-ce que c'est que ce fromage-là? Oh, c'est du parmesan et du gruyère, je l'ai pris chez l'épicier. Ah, bah il est agressif. Ah, il y a du poivre. Oh, comme tu es matériel. Un jour, tu vas être père. Mais non, je te dis ça parce que... Oh, pourvu qu'il arrive bien, mon Dieu. Qui? Comment qui? Eh bien, bébé. Je suis pas comme toi à ne penser qu'au macaroni. Pourquoi n'arriverait-il pas bien? Mais parce que... Parce qu'il arrive beaucoup plus tôt qu'on comptait. Ah oui, quoi? Ça prouve qu'il est prêt. Oh oui, oh, tu arranges ça à ton gré, toi. Songe qu'on ne l'attendait qu'à partir du 20 du mois prochain. Et un mois et 4 jours d'avance. Ah oui, ça... Il se presse un peu. Maintenant, au fond, est-ce un mal? Oh. Il aura toujours un mois et 4 jours de plus que les gens de son âge. Quelle avance sur les autres. Ah oui, mais il faut en arriver là. Et naître à 8 mois. Ah, quoi? On vient très bien ainsi, tiens. Chose. Machin, voyons. Oh, tu connais que lui. Philippe Lebel. Lebel connaît pas. Mais si. Eh ben, j'ai lu quelque part que lui aussi, il est né à 8 mois. Ah, et il vit? Ah non, il est mort. Ah, bah tu vois. Ah oh, oui, mais il a vécu, et très bien, 46 ans, alors tu vois. Oh, bah, c'est égal. Je voudrais que ce soit passé. Ah, oh, bah ça, moi aussi. Oh, ce macaroni fait une éponge sur l'estomac. Oh, voilà que ça recommence. Oh, allons, bon. Oh, viens, marchons. Attends, que je boive. Mais viens donc, voyons. Mais oui. Tu boiras plus tard. Mais oui. Oh, mais non. Serre-moi la main. Oui. Marchons. Oui, marche. Oh, marchons. Oh. Ah non, tu sais. Ah, oui, du courage. Oh, du courage. Ah, oh, ben ça ne sera rien. Comment ça ne sera rien? Mais si, j'espère bien que ce sera quelque chose. Oh, ben évidemment que ce sera quelque chose. Si je devais souffrir comme ça pour rien. Ah oui, naturellement. Oh, quelle horreur. Quoi? Oh, ben tu sens le fromage. C'est le macaroni. Oh, ben, ça m'est égal que ce soit le macaroni, tu sens le fromage, voilà oh, tout. Oh, je suis désolé. Oh, vraiment? Oh non, vraiment, tu vois que je suis malade et tu ne peux même pas avoir l'attention de ne pas manger du macaroni. Si tu me laissais aller boire, parce que j'étouffe un peu, tu sais. Oh, mais je t'en prie, enfin, tu empêches. Ah, pardon. Oh, tu peux bien marcher en tournant la tête de l'autre côté. Oui. Ah oui, mais ça me donne le vertige à moi de marcher comme ça. Oh, ben, ça fait rien, serre-moi. Fais-moi mal. Oui. Oh, le sale moment. Oh. Ah. Quoi, Youp? Ben, je t'engage à dire Youp. Ben, je voudrais t'y voir. Non, ben, je dis pas Youp, j'ai le... Oh. Le hockey. Ah, t'as le hockey maintenant. Ah, tu choisis bien ton moment. Oh, que j'ai mal. Ah, ben c'est pas ma faute, c'est le macaroni. Renny qui m'étouffe. Oh, et ben ne respire pas, c'est pas difficile. Oh, respire pas, c'est pas difficile. Oh, c'est pas comme Adette. Oui. Oh, parce que t'es égoïste. Oh, moi? Bah, évidemment, tu n'es occupé que de toi. Oh, Paris. Oh, mais qu'est-ce que... voyons, mes faits. Oh, voyons. Oh, et puis encore une fois, je t'en prie, ne me parle pas tout le temps dans la figure avec ton fromage. Mais pardon. Oh. Oh, tu m'agaces avec tes youp. Mais j'ai le hockey. Enfin. Et le hockey. Mais ne fais pas youp tout le temps. Mais je le fais pas exprès. Je peux pas faire youp quand j'ai le hockey, sapristi. Oh, mais va boire si tu as le hockey, va boire. Oh, bah je demande pas. Par exemple. Alors, voilà une heure. Eh bah oui. Ne parle pas tout le temps et bois. Oui. Bah quelle journée. Oh, c'est passé, ça va mieux. T'as de la chance. Je voudrais bien pouvoir en dire autant. Tu as toujours mal? Bah évidemment, j'ai mal. Oh, elle est gentille. Oh, ma pauvre enfant, je te plains. Oh, tu peux. Ah, si je pouvais faire ça pour toi. Quoi, si je pouvais faire ça pour toi? Que ça veut dire? Tu ne t'engages pas à grand-chose en disant ça? Oh, bah je fais ce que je peux, hein. Oui. Oh non, tiens, assieds-toi. Oui, c'est ça. Mais pas toi. Oui, c'est ça, pas toi. Non, pas, tu... pas moi, toi. Non, toi. Non, mais tu peux bien rester debout. Oui, je peux bien rester debout, oui. Oh, donne-moi à boire, veux-tu? Oh, quel supplice. J'en ai des transpirations. Donne-moi à boire, veux-tu? Comment? À boire. À boire, oui. C'est besoin de me faire répéter. Ah, c'est quand j'ai pas entendu. Oh, t'as toujours de bonnes raisons. Tiens. Merci. Oh, c'est le verre dans lequel t'as bu. Hein? Ah bah oui. Ah bah sans fromage. Bah c'est le macaroni. Parce que t'es empoté, mon pauvre ami. Ah, bah qu'est-ce que tu veux? C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Eh bah moi aussi. Mais je perds pas la tête pour ça. Ah bah tiens, tu seras marié cette année. Ouais. Oh. Hein, tu trouves le moyen de rire, toi. Oh, c'est une facétie. Une facétie. Allez, là, doucement, doucement. Merci. Eve. Eh ben, c'est calmé. Oh, pour un moment. Oui. Oh, c'est terrible. Oh, on ne s'en fait pas une idée. Ça vous prend en ceinture. C'est comme si on vous écartait. Ah oui, ah oui. Oh, ah, je connais ça. Comment tu connais ça? Ah, oui, c'est un peu ce que j'ai éprouvé dans ma crise de colique néphrétique. Ta crise de colique néphrétique? Tu oses comparer? Mais ta crise à côté de ça, c'est rien, c'est délicieux. Oh, délicieux! Mais oui. C'est drôle. Ce malin plaisir que tu éprouves à diminuer mon mal au bénéfice du tien. Moi? Je souffre. C'est suffisant. Laisse-moi au moins l'entière satisfaction de ma souffrance. Oui, oh, moi je veux bien, je disais ça. Hein. Oui, la vanité, toujours la vanité. Oh, la vanité. Monsieur a fini avec le macaron. Ah oui, j'ai fini, sûr que j'ai fini. Qu'est-ce que vous apportez là? Du fromage. Quoi? Ah non, assez de fromage comme ça. Oui, assez. Assez de fromage comme ça. Oh, un si beau morceau de roquefort. Justement. Du roquefort, merci. Monsieur m'a déjà imposé le macaroni. Oh, je t'ai imposé. Seulement, comme je ne dis rien, comme je ne me plains jamais... Oh, ça, tu ne te plains jamais. Tu trouves que je me plains, moi? Mais non. Quand je fais tout pour ne pas compliquer, tu trouves que je me plains? Non. C'est vrai. On voit que tu ne connais pas les autres. Je voudrais te voir si tu avais épousé une femme embêtante. Mais tu as raison, je te dis, tu as raison, je me suis mal exprimé. Dire que je me plains, moi. Ah, ça recommence. Ah là, tu vois, tu t'agites. Oh, vite, marche. Oui. Oui. Oh, la chamelle, quelle violence, celle-là. Mais n'y pense pas. Oh, t'en as bonne, toi, n'y pense pas. C'est facile à dire, c'est pas toi qui es en train d'accoucher. Ah non. Attends. Oh. Oui. Oh. Je m'en souviendrai de celle-là. Ah oui. Oh, sale gosse, va. Je l'aime déjà. Ah oui, oh, moi aussi. Oh. Marchons. Oui, marchons. Madame, voilà madame, la maman de madame. Oh, bon. Très bien, ma chérie, alors qu'est-ce que j'apprends, c'est pour aujourd'hui. Oui, bonjour, belle maman. Oui, bonjour. Oh, c'est horrible, maman. Ma pauvre mignonne. Serre-moi les mains, maman, serre-moi les mains. Oui. Oh, mais allez-vous-en donc de là, vous. Ah, pardon. Chérie, va. Je suis pas fâché de m'asseoir un peu, moi. Marchons. Oui. Maman, si tu savais. Mais j'ai su, mon enfant, j'ai su. Oh, c'est vrai. Tu as aussi passé par là, toi, maman. Mais oui, ma chérie, tu m'as fait connaître ces 12 instants. Oh, c'est un dur moment à passer, puis après, ce qu'il y a de bon, c'est que ça s'oublie. C'est le mal joli. C'est égal, tu n'as pas dû avoir aussi mal que moi. Mais aussi mal, ma chérie. Oh non, c'est pas possible. De ce temps-là... De ce temps-là, c'était comme aujourd'hui, le progrès n'a rien changé. Oh, tout de même, si tu pouvais comparer... Ah, attends. Ça se calme. Ah, ça s'éloigne. Ah, ben tu vois. Oh, comme c'est pour recommencer. Je voudrais m'asseoir. Oui. Mais enlevez-vous donc de là, vous. Oh, pardon. Oh, vous voyez votre femme qui souffre, qui veut s'asseoir, et vous faites le veau dans un fauteuil. Oh, je fais le veau. Ben oui, le veau. Ben, assieds-toi, ma chérie. J'ai jamais vu un veau dans un fauteuil. Oui, c'est bien le moment de faire de l'esprit. Vous êtes content de votre œuvre. Ben, je serai content quand ça sera fini. Pour le moment, je suis pas à la noce. Vraiment? Ma fille, est-ce qu'elle y est, à la noce? N'êtes pas à la noce. Mais vous avez un petit air malin et satisfait. Moi? Oh, on n'attrape pas, maman, va. Pauvre garçon, il y est pour rien. Oh? Comment j'y suis pour rien? Non, je veux dire qu'il n'y a pas eu préméditation. Ah, bon? C'est arrivé parce que ça devait arriver, comme fatalement un jour ou l'autre. Bah, justement, il aurait mieux valu que ce fût l'autre. Cette façon de mettre les bouchées doubles, c'est inconvenant. Enfin, pour le monde, la simple éducation. Je regrette, belle-maman, de ne pas vous avoir consultée. Spirituel. Ah, non. Seulement quand je me suis mariée, vous m'avez dit « J'espère que vous allez bientôt me donner des petits-enfants ». C'est possible, mais vous n'aviez pas besoin de mettre ma fille dans cet état. Je ne pouvais pas faire autrement. Ma pauvre chérie, Ne plains pas, va, maman. C'est notre lot à nous. Quel stoïcisme. As-tu dit qu'on fasse bouillir de l'eau? Oui, maman, c'est fait. Tu n'as pas prévenu papa, j'espère. Mais si, tout de suite, j'ai envoyé l'avertir au cercle. Oh, pourquoi? Il aurait mieux valu lui annoncer quand tout aurait été fini. Ça lui aurait épargné l'émotion. Mais pourquoi donc ça? Pourquoi n'aurait-il pas sa part? Comme les autres. Ce pauvre papa. Est-ce que je ne suis pas aussi intéressante que lui? On a toujours trop d'égards pour les hommes. C'est comme ça qu'ils deviennent égoïstes. Merci. Oh, papa, c'est pas un homme. Bah, pour moi, c'en est un. ça recommence. Oui. Veux-tu marcher? Oui, c'est ça, marchons. Non, je veux pas marcher. Eh ben, ne marchons pas. est petite, celle-là. C'est supportable. Ah, bon, c'est... On apporte des objets des trois quartiers. Ah oui. Quels objets? Une toilette d'enfant, une baignoire, des brocs. Oui, c'est pour la chambre de Monsieur Achille. Ah! C'est bien. Apportez-moi tout ça ici que je vois. Oui, madame. Est-ce que tout est prêt chez Monsieur Achille pour le recevoir? Oui, madame. Vous n'oublierez pas de mettre une boule dans le berceau de Monsieur Achille? Oui, madame. Va donc aider Clémence, Julien. Ah, bien. Clémence, je vais vous aider pour les choses de Monsieur Achille. Monsieur Achille. Alors quoi, c'est décidé, c'est un garçon. C'est un garçon, oui, maman. Ah, tu sais ça d'avance, toi. Nous n'avons jamais envisagé autre chose qu'un garçon. Ah, alors? Et si c'est une fille? Alors quoi? On la rentre? Ce sera un garçon. Je n'ai presque pas eu de mot de cœur dans les débuts. Et ça, j'ai pris mes renseignements, c'est un signe absolu. Ah! Et puis aussi, d'après les quartiers de la Lune, on a remarqué que quand la Lune, au moment de la gestation... Ah non, si tu dois me faire un cours d'astronomie, non, j'aime encore mieux te croire sur parole. Va pour Monsieur Achille, jusqu'à nouvel ordre. Toudou entre, suivi de Clémence, portant la baignoire dans laquelle sont pêle-mêle la petite toilette, les bros et le pot de nuit d'enfant. Voilà le fourniment. Montre. Oh, j'ai mal. T'écoute pas. Alors hein. ça, c'est la baignoire, bon... La petite toilette, les bros, et tout ça dans la chambre. Oh, son pot. Quand on pense que ce sera déjà son pot, comme il est déjà grand. Oh, chérie, va. Oh, tout à fait, moi, au moment de sa naissance. Ah. Je l'aimais déjà avant même qu'elle fût née. Ah. Eh oui. Moi, ça a été plus tard. Tiens, va le poser. Ah oui. Ça ne t'émeut pas, toi. Quoi? Son popo. Oh, si. Oh, pas autant que moi. Oh, si. Chérie, va. Oui, chérie. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Rien. Ben si, quoi. Ben dis-le donc, voyons. Non, c'est en doyant avec ce vase à la main. Ça me fait penser au rêve stupide que j'ai fait cette nuit. Tu as rêvé de vase de nuit? Oui. Ah, ça c'est bon signe. Figure-toi, nous étions tous les deux aux courses à Longchamp. Moi j'avais ma robe grise, toi tu avais ton complet jaquette, mais au lieu de ton chapeau haute forme, tu avais mis ton vase de nuit. Moi? Oh, quelle drôle d'idée. C'est idiot. Et tu étais très fière. Tu saluais tout le monde avec. Moi, j'étais gênée, je te disais, Julien, enlève ton vase de nuit, on te remarque. Tu me répondais, mais laisse donc, c'est très bien, je vais lancer la mode. Oh, tu as vraiment de ces rêves. Et si tu l'avais vu comme ça, maman? Ce qu'il était drôle. Je m'en doute. Ça violait pas mal. Oh, c'est charmant. Tiens, mets donc un peu le vase sur la tête pour montrer à maman. Moi? Ben, tu vas voir, maman. Mais jamais de la vue, on voit une idée. Mais tu peux bien le mettre sur la tête quand je te le demande. Non, mais tu m'as pas regardé. C'est pour montrer à maman. Mais quand ce serait pour montrer au pape, tu te fiches de moi. Vouloir que je mette un pot de chambre sur ma tête, tu n'es pas folle. Quoi? Il est tout neuf, c'est pas un vieux. Mais neuf ou vieux, c'est un pot de chambre tout de même. Mais voyons, nous sommes entre nous. Mais ça suffit. Ma dignité d'homme. Voilà, il ne peut rien faire pour me faire plaisir. Bah tiens, tu en as de bonnes. Moi je comprendrais si on vous demandait d'aller aux courses ou de monter au cercle avec, mais là... Mais ni là ni ailleurs. Et moi je veux que tu mettes le pot oui, sur ta tête. Oui, voilà. Mais moi je ne veux pas. Je veux que tu le mettes. Non. Oh, Julien, puisque ma fille vous le demande. Mais non, je vous dis... Je veux, j'en ai envie. Elle en a envie. Eh ben, elle en a envie. Julien, je vous en supplie. Songez à son état, à ce que c'est qu'une envie. Oh, what? Je veux, j'en ai envie. Vous l'entendez? Songez que si par la faute de votre obstination, votre fils naissait avec un pot de chambre sur la tête... Eh ben, v'là tout, on l'utiliserait. Oh! Et on rendrait celui-là, tenez, qui n'a pas servi. Oh, osez dire une chose pareille. Mauvais père. C'est vrai, ça. Mais tu vas mettre le pot. Non, je mettrai pas le pot. Tu vas mettre le pot. Ah, j'ai mal. Là, vous voyez ce dont vous êtes cause. Vous voyez l'état dans lequel est votre femme. Mais il refuse de satisfaire mes envies. Ah, oh, mais mettez dans le pot, puisqu'on vous le dit. Mais mettez-le, vous, si vous dites détend. Mais si ma fille me le demandait. Oh, le sans-cœur. Julien, je vous en supplie. J'en appelle à vos sentiments d'époux, de père. Mais enfin, voyons, songez à ce que vous me demandez. Je ne suis pas arrivé à l'âge de 38 ans pour allons. Mais n'importe l'âge, parce que soyez gentil, coiffez-vous. Mais enfin... J'ai mal. Ah, voyez, elle a mal, Julien. Mettez le pot. Non, écoutez, vraiment... Enfin, d'abord, il ne me va pas. Mais qu'est-ce que vous savez? Vous ne l'avez pas essayé. Mais je vois bien, il n'est pas à ma tête. Oh, bah mettez, voyons. Non, vous savez. Eh ben là, vous êtes contente? Je l'ai mis le pot, vous êtes contente? Oh, là, Léonie. Oh, c'est un amour, il l'a mis. Oui, je l'ai mis. Montre. Oh, quelle horreur! Quoi? Va-t'en, va-t'en! Tu es ridicule comme ça! Comment, moi? Mais cache-toi, voyons! Je ne pourrais plus te voir autrement qu'avec ça sur la tête! On va aller raide, celle-là! Allons, allons, allons, ne la taquinez pas, voyons! Non, non, non! Mais on se fiche de moi, à la fin! Madame! Madame, c'est la sage-femme! Fichez-la à la porte! Quoi? Mais monsieur est fou! Comment, fichez-la à la porte? Mais faites-la entrer, au contraire! Quoi? Faites-la entrer! De toute façon, de me tourner en bourrique, on me demande de mettre le pot, je mets le pot. Et au lieu de me savoir gré de l'humiliation que je m'impose... Me retire ça, voyons. Oui, eh ben non, non, non, je ne le retirerai pas maintenant. J'en ai assez de faire vos mille caprices, vous l'avez voulu, je le garde. Mais je suis pas un tonton, moi, si vous êtes des girouettes. Girouettes? Bonjour, mesdames, monsieur. Tiens. Bonjour, madame. C'est ça qui vous sert de calotte grecque? Non, madame, non. Ce sont ces dames qui ont des envies. Non, pas moi, hein. Ceci vous représente un mari qui a mis un pot sur sa tête pour satisfaire les envies de sa femme. Ah, très bien, c'est dames mon mari. Alors restez couverts, je vous en prie, restez couverts. Comment restez couverts? Oh, non, non, j'en ai assez, moi. Et c'est vous alors, madame, la jeune prochaine maman? Oui, madame. Oui, je crois même que ça ne saurait tarder à voir comme les douleurs se rapprochent de minute en minute. Ah, tant mieux, tant mieux. Autant être débarrassé le plus tôt possible, n'est-ce pas? Oh, oui, madame, oui. C'est égal, je ne supposais pas que ça serait si tôt, quand je pense que vous m'avez écrit hier de la part du docteur pour me retenir pendant un mois, et ma première visite coïncide avec votre délivrance. Comment prévoir que je serai d'un mois en avance? Vous n'avez pas fait d'imprudence? Aucune. Vous êtes peut-être trompée dans vos calculs? Oh, impossible. Il y a à peine 8 mois que nous sommes mariés. 8 mois, oui. Et pas avant, non? Oh, madame! Oh, non, non, je vous demande ça, bah, comprenez donc, c'est pour savoir. Je comprends bien, oui. Oh, voilà encore une. Ah bon, bon ça, bon ça. Comment bon ça? Ça prouve que le travail se fait. Oh ben je voudrais vous y voir. Oui, oh, ça c'est pas tout rose. Je sais ce que c'est, j'ai passé par là, j'ai eu 2 enfants et chaque fois j'ai accouché. Oh ben voilà, oui, mais vous c'est votre métier madame, vous êtes habituée. Je suis habituée, mais pas côté passif. Oh madame, est-ce que ça va durer longtemps? Je peux pas vous dire ça comme ça. Oh. Voyez-vous, vous devriez commencer à vous préparer, allez dans votre chambre avec votre maman qui vous aidera à vous mettre au lit. J'irai vous voir quand vous serez couchée. Pendant ce temps-là, moi, je vais disposer mes petites affaires. Oui, c'est ça, viens ma chérie, madame. Viens. Oh. Allez, allez madame. Oh. Tirez-vous de là, vous. Pardon. Monsieur a sonné. Non, c'est madame. Oui, c'est moi. Vous avez préparé de l'eau bouillie? Il y a plusieurs bassines qui chauffent. Bien. Et toute la pharmacie est là? Par là, oui. Bien, vous la porterez. Tirez-vous de là, vous. Oui. Vous mettrez le tout sur la cheminée. À qui parlez-vous? À la bonne. Elle est partie. Oh, ben, je vous dirai quand elle reviendra. Retirez-vous de là. Ah, pardon. Encore moi, mais ça non, mais qu'est-ce que vous êtes ici? Le mari. Le mari? Ah bah oui, au fait, naturellement, puisque vous aviez le pot de chambre. Comment, puisque j'avais... Non, non, je suis à la limite. Ça doit être un métier bien fatigant que celui de sage-femme. Oui. Oui, oui. Est-ce que vous faites beaucoup d'accouchements par an? Beaucoup, beaucoup. Quand vous faites un accouchement, est-ce que... Ah, non, non, non. Hein. Vous n'espérez pas, n'est-ce pas, que je vais vous initier aux détails de ma profession? Ah non, non, non. Tenez, je ne sais pas encore où on m'a logé, moi, ici. Portez donc mon manteau et mon chapeau dans ma chambre, voulez-vous? Bon, moi? Mais oui. Ah bon, bon, stinouille, ça, stinouille, stinouille. Qui est là? J'apporte la pharmacie. Ah bon, mettez ça là. Oui, madame. Voilà. Mais on n'entre pas. Ah, oh, bah pardon, je savais pas. Bah, vous pouvez pas frapper avant d'entrer? Bah écoutez, je pensais que dans la salle à manger... Mais il n'y a pas de salle à manger, j'avais la poitrine et les épaules nues. Oui, on va. Mais enfin, dites donc, hein, est-ce qu'on va vous voir là comme ça tout le temps? Ah, il faut que... Mais c'est que j'aime pas voir des gens sur mon dos quand je travaille. Ah ah. Bah, retirez-vous de là, vous. Oui. Tenez, portez ça dans ma chambre. Clémence! Non, non, pas Clémence! Si j'avais voulu que ce soit Clémence, j'aurais dit Clémence. J'ai besoin de la bonne, moi. Ah! Oui. Bon, la barbe. Là, très bien, mon enfant. Maintenant, allez voir si votre au bout, quand vous en aurez de la prête, vous m'en apporterez une bassine dans la chambre de madame pour qu'on en ait sous la main. Bien, madame! Entrez! C'est vous qui frappez? Bah oui. Mais est-ce que vous avez besoin de frapper maintenant que je suis habillée? Ah, bah je ne sais pas, moi. Je n'ai pas regardé par le trou de la serrure. Oh, oui, oh, oh. On n'a plus rien à me faire faire, non? Mais non, vous demandez rien, retirez-vous de là. Et moi, madame? Non. À quelle heure dînez-vous? Dans la dîner. Déjà? Mais moi, j'ai pas dîné. Ah? Bah, naturellement. J'allais me mettre à table, moi, quand on est venu me chercher. Alors quoi, il n'y a rien à manger? Vous avez faim? On ne mange pas par faim. On mange parce que c'est son heure. Ah, ouais, oh, bah, il doit bien rester quelque chose. Hein? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous aviez comme potage? Pas. Bah, c'est pas beaucoup. Nous n'en mangeons jamais. Moi, si. Ah? Oui. Bon. Oui, oh, je sais, aujourd'hui c'est le genre. On mange plus de potage. Moi je suis de la vieille école, la bonne. Celle qui fait pas de progrès. Aha. Et puis après? Ah oui, puis après rien. Comment? Pas de potage et puis après rien? Hein? Non, parce que je croyais que vous me disiez, je suis de la vieille école moi, et puis après. Mais non, et puis après le potage. Et puis après le potage, que nous n'avions pas, un faux filet du macaroni. Et puis? C'est tout. Ah, c'est maigre. Un morceau de roquefort. Oh oui, ça ne compte pas. Ah, vous n'êtes pas de gros estomac ici. Bah. Enfin, je mangerai ça puisqu'il y a que ça. Qu'est-ce que madame boira? Du vin blanc, du vin rouge? Oh, n'importe quoi, ça m'est égal. Un peu de champagne. Bon, du champagne? Oui, c'est ce qui réussit le mieux à mon estomac. Ah, vous en buvez donc? Oui, chez quand vous? Mes clients m'en envoient. Ah. Ah oui. Ah bon. Alors ma fille, vous descendrez chez l'épicier et vous demanderez de la tisane, vous savez. Mais il y a peut-être pas besoin, il reste dans l'office une bouteille de pommery. Ah mais oui. Oh là là, l'autre. Mais oui, du pommery, qu'est-ce que ça me fait, je m'en contenterai. Je ne bois pas plus d'une bouteille, vous pensez bien. Ah, vraiment? Ah oui, avant tout, je veux pas être cause de dérangement. Oh, vous êtes pleine d'attention. Quand faudra-t-il servir? Bah quand ce sera prêt, faites réchauffer et servez. Faudra peut-être 10 minutes. Oh, on a le temps. Madame, c'est pas encore pour tout de suite. Ah, ça sera encore long. Dame, vous savez, chez les primipares... C'est les... Primipares. Ça ne va pas si vite. Madame est bien primipare. Ah... Bah quoi? Est-ce qu'elle est primipare ou multipare? Vivipare. Quoi? Ah bah ça, évidemment, vivipare. Nous sommes tous vivipares. Ah, c'est ça, nous sommes tous vivipares. Ah, pas vous? Pas moi, non. Ah non, pas moi, non. Bah enfin, ça ne me dit pas si elle est primipare. Non. Ah, eh ben, tant mieux, ça ira plus vite. Combien a-t-elle eu d'enfants? Aucun. Eh ben, alors, les primipares. Ah, ben, c'est ça, primipares, oui, les primipares. Eh ben, c'est tout ce que je vous demande. Bah, j'avais pas bien entendu votre question. Alors, on pourrait peut-être aller voir un peu notre malade. Eh ben, si vous voulez, allons. Ah, non, mais non, pas vous, vous allez rester ici. Je veux personne. Ah? Personne. Quand j'accouche, moi, les maris, les amants, n'en faut pas. Les amants, mais dites donc, ma femme n'a pas d'amants. Mais je vous dis pas qu'elle a des amants, je vous dis que les maris, les amants, j'en veux pas, un point, c'est tout. Ah, oui, mais... Ah, mais restez là. Oh, mais c'est embêtante. Si monsieur voulait ouvrir, parce que je suis occupée avec madame. Enfin, quoi, Benoît n'est pas encore rentré des courses? Non, monsieur, il faut que je porte la bassine. C'est madame, oui, Roba, c'est inutile. On veut personne, pas même moi. Si. Ah oui, mais moi, si monsieur veut toquer parce que j'ai les mains prises. Oui, je veux bien, mais... On n'entre pas. Là. C'est moi, la femme de chambre. Ah, c'est vous, rentrez. Là. Ah, charmant, c'est charmant. Ah bah oui, voilà. Ah, on l'emmène. Ah, qu'est-ce que vous voulez, c'est moi qui ouvre. Ah, non, vous savez, celle-là. Ah, ah oui. Alors, je suis dans tous mes états. Vraiment, on ne peut pas avoir la paix 5 minutes dans la vie. Ah, je sais pas comment vous vous arrangez, ma parole. Ah, quoi, c'est pas de ma faute. Ah, bah, c'est pas la mienne non plus. J'étais là, tranquillement, au cercle, avant dîner, à faire ma partie des cartes habituelle à Saint-Louis. J'étais en veine, partout le marché. Crac! Voilà qu'on vient m'annoncer ça, en plein dans l'estomac, comme c'est gay. Naturellement, j'ai cessé. Est-ce que vous voulez? Je suis un homme de devoir. Mais vraiment, qu'on ne puisse même pas vous laisser en repos la journée finie. Je suis le premier désolé. Ah oui, oh, ça arrange quelque chose. Eh ben quoi, est-ce qu'on peut voir ma fille? Ah bah ben, écoutez, pas pour le moment. Elle est entre les mains de la sage-femme qui n'est pas précisément commode. Ah. Au moins, vous allez pouvoir me donner quelque chose à manger. J'ai pas dîné avec tout ça. Ah, mon Dieu, si vous voulez vous contenter de ce qu'il y a... Oh, pour ce que j'ai faim. Vous pensez bien que tout ça m'a enlevé l'appétit. Ah, Clémence, vous mettrez également le couvert de monsieur de Champrinet. Bien, monsieur. Mais pourquoi également? Il y a donc du monde? Oui. Ah. La sage-femme. Ah, je vais dîner avec la sage-femme. Ah. Oui, bon. Ah, ouais, pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Ah, bah, la sage-femme, c'est vrai, oui. Mais enfin, que diable avez-vous fabriqué pour que ça arrive aujourd'hui? Vous qui n'attendiez que pour dans un mois? Léonie est en avance. Oui, c'est gay ça, hein? Un enfant au bout de 8 mois de mariage. Qu'est-ce que le monde va penser? Jamais on ne croira. Oui, on assumera parbleu que vous aviez pris des racontes avant. On n'avait déjà pas compris au faubourg qu'un de Champrinet donne à sa fille un tout doux. On va dire évidemment que l'on a fait cette union pour réparer, comme c'est agréable. Enfin, quoi, il arrive tous les jours, on est une avance d'un mois. Ah, évidemment, ça arrive, la preuve. Ça arrive, mais pas pour le monde. Ah, vous avez une façon de faire les choses. À vous de jouer. Il faut s'occuper de ce que dit le monde. Ouais. Pique. Évidemment, il faut s'en occuper. Ouais, j'ai le droit. Comprenez que ça m'embête. Ouais, je coupe. Mais si on dit de ma fille, à tout. Mais, qu'elle a un enfant au bout de 8 mois, roi de poivre ou dame de cœur, le roi et la vole, 3 points. Allez, vous. Alors, on peut se moquer de l'opinion des gens. Oh, ça. On peut s'en moquer, mais il faut tout de même compter avec elle. Comprenez, n'est-ce pas, que si dans la vie, il faut toujours penser à ce que dira un tel ou un tel, alors... Évidemment, il faut y penser. J'ai le droit. Okay. Ouais, je coupe. Voilà. Ah, tout ça est très embêtant. Je coupe à tout. Voilà, j'ai gagné. Vous me devez 5 louis. Comment je vous dois, mais j'ai pas joué. Vous n'avez pas joué? Eh ben, qu'est-ce que vous venez de faire? J'ai joué... Enfin, j'ai pas joué Saint-Louis. Ah, c'est admirable, ça. Mais vous pouvez bien le dire. Mais c'était à vous de le dire. Mais je fais toujours la partie à Saint-Louis. Je vous l'ai dit encore tout à l'heure. Si vous aviez gagné, moi, je vous aurais payé. Ah oui, peut-être, mais c'est pas une raison pour que je vous donne Saint-Louis quand j'ai perdu. Ah, c'est trop fort. quand je jouerai encore avec vous... Oui, si vous croyez que j'ai l'esprit à jouer... Hein? Mais moi non plus. Mais dites donc, mais c'est machinalement, moi, c'est pas quand ma pauvre enfant t'a versé une aussi pénible épreuve. Et longue. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-dedans? Enfin, moi, je voudrais bien pouvoir embrasser ma fille. Madame Virtuelle sort brusquement de la chambre avec une bassine d'eau dans les mains. Oh non, mais regardez-moi ça. Non, mais c'est ça. Non seulement vous m'inondez, mais... Mais tant pis pour vous, si vous n'étiez pas toujours dans les jambes. Oh, je suis trempé. Ça vous apprendra à regarder par le trou de la serrure, là, tous les deux. Quoi? La serrure? Ah non, mais dites donc. Nous n'avons pas l'habitude de regarder par la serrure, hein. Oh, oui, Tout ça, il faut que j'aille me changer, moi, maintenant. Oui. Eh ben, tenez, allez, rendez-vous utile, une fois par hasard. Portez-nous en passant la bassine à la cuisine. Comment, moi? Oui, ben, allez. Non, mais dites donc, madame, moi, je voudrais bien voir ma fille, moi. Ah oui, eh ben, il faudra attendre, parce qu'en ce moment, j'ai pas besoin d'étrangers. Comment d'étrangers? Vous trouvez que je suis un étranger, moi, son père? Vous êtes un étranger à l'accouchement. Ah, ça... C'est bon, tout à l'heure, je vous autoriserai à embrasser votre demoiselle. Ma demoiselle, mais d'abord, c'est une dame. Je ne vous dis pas, mais pour vous, c'est toujours votre demoiselle. Vous l'embrasserez, mais le temps d'entrer et de sortir. En attendant, je vais dire à votre dame que vous êtes là, si ça lui chante de vous voir. Mais tirez-vous de là. Oh, écoutez, madame, vous n'êtes pas positivement gracieuse. Gracieuse, je suis pas une cocotte, moi, vous saurez. Quoi? J'ai passé l'âge de faire du chichi avec les hommes. Oh, pardon, je ne vous demande pas de faire du chichi. Vous faites aussi bien. Quand je travaille, moi, je suis sérieuse. Entre-temps, je veux bien rire. Ah! Et à l'heure du combat, je suis là. Ah bon. Ouais. Allez. Et maintenant, va te battre! Vous me tutoyez? Ah non, c'est une citation. Ah, j'espère. Je vous envoie votre dame. C'est ça. Ah là. Ah, je ne suis pas une cocotte. Ah ben, je te crois que t'es pas une cocotte. Tu es seule? Eh ben oui, Monsieur Toudou est allé changer de pantalon. Oh, il pense à sa toilette quand sa femme est sur son lit de douleur. Il a trouvé drôle de se faire arroser par la sage-femme. Comment va-t-elle? Qui? La sage-femme? Mais non, Léonie, je me fiche de la sage-femme. Bah, ça suit son cours. On avait eu besoin de cette histoire-là. Ne décolère pas depuis une heure. Un accouchement. Après 8 mois de mariage. Oui, très contrariant. Et le voilà, ton tout doux. Voilà comme il travaille, ton tout doux. Mon tout doux, mais c'est pas mon tout doux. Ah, c'est toi qui as poussé à ce mariage, moi j'en voulais pas. Mais toi, tu ne voulais d'aucun mari tout doux. Un autre, tu les détestais d'avance. Bah, qu'est-ce que tu veux, c'est plus fort que moi. Dégoûte ce monsieur. Pensez qu'on n'a qu'une fille. Que pour bien l'élever, on sacrifie tout. Que pour ne pas souiller son cerveau, on évite de prononcer un mot plus haut que l'autre. De faire un geste douteux et crac! Du jour au lendemain, voilà un monsieur qu'on ne connaît pas. Et ça y est, voilà, il emporte votre fille et il couche avec. Et nous le savons. Et nous n'avons qu'à dire amen. Bah, tu ne trouves pas ça dégoûtant? Qu'est-ce que tu veux? C'est le mariage, ça. Bah oui, je ne dis pas. Ah, son tout doux. Tu l'aimes, cet homme-là? Oh, mon Dieu. Ah, là. S'il me fallait coucher avec, moi, je ne pourrais pas. Bah aussi, il ne t'a pas demandé de l'épouser. Oh, il pouvait. Bah, en somme, il rend ta fille heureuse. Il manquerait plus que ça. Il est même d'une gentillesse. On veut bien lui rendre justice, il est pour là. Il se plie avec une complaisance aux fantaisies de sa femme. Encore tout à l'heure, j'ai pu le constater. Léonie n'a-t-elle pas eu une envie? Une envie de femme enceinte? Il l'a satisfaite. Il n'a fait que son devoir. Bah, tout de même. J'ai bien des hommes qui... Elle a absolument voulu qu'il mette un pot de chambre sur sa tête. Et il l'a mis? Il l'a mis. Oh, que c'est bien, que je suis content. Mon gendre avec un pot de chambre sur la tête. Oh, je suis ravi. Mauvaise âme. Oh, mais je peux pas le voir, ce garçon. Allez, tiens, à toi de jouer. Quoi? J'ai le roi. Bah quoi, j'ai le roi, je joue pas à l'écarté? Hein? Mais moi non plus, je ne joue pas à l'écarté, je dis j'ai le roi parce que j'ai le roi. C'est par distraction, je suis tellement préoccupé. Oh, pas plus que moi, je t'assure. J'ai dû me changer tout au tout de cette affaire-là. Ah, vous voilà. Me voilà, oui. La jeune dame demande son papa et sa maman. Ah. Ah, oui. Allez, mais pas longtemps, vous savez, pas longtemps. Oui. Oh, mais il me bouscule. Ah, ce qu'elle m'embête, cette vie. Oh, j'aime pas qu'on me violente. Voilà ton papa, ma mignonne. Eh ben, ma chérie, quoi donc Eh ben, madame, ça avance-t-il un peu? Pas encore beaucoup. Oh, elle est à 20 sous. Ah, elle est à... Et quand je dis à 20 sous, j'exagère. Ah. Elle est plutôt entre 10 sous et 20 sous. Oui, oui. Enfin, elle est à 15 sous. À quoi 15 sous? Ça veut dire 15 sous? C'est de la monnaie, ça? 15 sous, c'est pas une dimension. Ah, oui, oui, oui, en fait, non, oui, c'est... Oui, c'est, oui, enfin, c'est de la monnaie. Oui, oui, bah non, enfin, c'est comme ça. Comme ça, oui, oui. C'est pas grave. Non, non, non, seulement, c'est pas pour tout de suite. Mais, enfin, ça s'annonce pas mal, hein. Mais non. Quoi qu'il y ait des choses que je m'explique pas. Ah? J'ai palpé la jeune mère, je sens pas de point précis. Ah? Ça tient peut-être à un peu d'hydramnios. Ah ben, ça ne m'étonnerait pas, tenez. Pourtant, un assistant à côté de ça, il m'a semblé peut-être sentir 3 points résistants. Alors? Ah ben, je sais pas, c'est peut-être une grossesse gemellaire. Gemellaire. Vous savez pas s'il y a eu déjà des cas dans votre famille ou dans celle de madame, de naissance gemellaire? Oh. Ben, vous vous rappelez pas, non? Bah... Ben, ah oui, vous vous rappelez pas. Non, non. Non, mais qu'est-ce que ça peut amener, ça? Comment ce que ça? Eh ben, des jumeaux. Des jumeaux? Oh, sapristi, deux laits, il y a deux berceaux. Enfin, je dis ça, sans stéthoscope, n'est-ce pas? Savez-vous si on lui a appliqué le stéthoscope? Le stéthoscope? Scope. Non, non. Non, mais ce que je sais, c'est qu'elle a pris un bain ce matin. Oh, mais ça n'a aucun rapport. C'est comme si je vous disais, est-ce que vous êtes sujet au rhume de cerveau et que vous me répondiez, mais non, mais je porte des bretelles américaines. C'est aussi bête que ça. Ah, oh, pardon. Je vous demande si on lui a appliqué le stéthoscope, parce que ça aurait été une indication par les battements du cœur. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Maintenant, oui. Il est possible que ce soit tout simplement un sacro-iliaque gauche postérieur, siège décomplété, mode des fesses. Mode des fesses? Mon Dieu, oui. Dites donc, madame Chose. Oh. Mode des fesses, c'est bon, ça? Bah, j'aimerais mieux un sommet. Ah oui, un sommet. Oui, il est évident qu'un occipito-iliaque droit ou gauche, antérieur ou postérieur... Ah oui, oui, non, vous donnez pas la peine. On voit des choses si étranges dans notre profession. Tenez, l'autre jour, n'ai-je pas eu une cliente qui m'a fait une môle idatiforme? Allons donc! La grappe, vous savez. Oh, mais voyons, la grappe, parbleu, la grappe! Je suis sûr que c'est un cas que vous n'avez pas dû rencontrer souvent. Non, je ne me rappelle pas. Mais elle m'embête avec ces termes techniques. La molidatiforme, c'est très curieux. Oui, c'est très curieux. Ah, oui, ça là, oui, là. Eh bien, tenez, je n'ai pas vu la molidatiforme, mais ce que j'ai vu comme ça aussi, c'est un cas de... Je ne sais pas si vous connaissez ça. Bah évidemment, je connais ça. De mystamboulocolite. De quoi? De mystamboulocolite. Ah oui, ça arrive. Vous en avez vu? Bah des fois. Ah bah là, du culot. Ça, mais on va pas dîner? Bah je pense, oui. Ah, c'est que j'ai un creux, oui, servez, Clémence. Oui, oui. Ah, vous voilà, vous. Oui. Ah oui, j'avais dit entrer et sortir, vous n'êtes pas sérieux. Oh, ben... Eh non, pas sérieux. Eh ben oui, c'est entendu. Eh ben dites donc, la pauvre petite, je l'ai vue, elle est courageuse. Est-ce qu'il y en a encore pour longtemps? Dame. Elle est à 20 sous. Ça veut dire? Oh, oh. Vous non plus. Ah ben, je suis pas fâché. Eh ben, demandez-le à madame Machin. Machin. À madame Virtuelle. Mais que ça veut dire, elle est à 20 sous? Hein, eh ben voyons, c'est quand le... Hein? Enfin, et puis non, c'est pas des choses pour les enfants. Oh, non, mais elle se fiche de moi, la sage-femme. T'as numéro. Madame est servie. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends votre bras. Oh, pardon. C'est pardon. Servi. Oh, on est gérance. Oh, ben comme vous dites, on est gérance. Quelle place prenez-vous? Oh, ben celle que vous ne prendrez pas. Bon, ben, alors je prends celle-ci. Parce que vous avez le courant d'air de la porte dans le dos, alors pour moi, je vous tends pas. Ah, ben merci. Ah, tenez, mon enfant, pendant que je dîne, si vous alliez auprès de madame, si elle a besoin de quelqu'un, oui, pendant que je mange. Mais pour le service. Oh, ben on s'arrangera s'il y a besoin. Monsieur qui a dîné nous passera les plats. Moi? D'ailleurs, il n'y en a pas tant. Il n'y a qu'à les mettre sur la table. Mais oui, pas besoin de cérémonie. Bien, madame. Rien ne vaut le service fait par les hommes. Vous êtes trop aimable. Entrez. Oh, c'est gentil. Quoi donc? Là, tous les deux. Ah oui. Oh, je me souviens, nous avons fait la dînette comme ça avec le duc de Cussinge. Tenez, servez-vous. Merci. Pendant que la duchesse accouchait. Ah, c'est vous qui... C'est moi, oui. Ça s'est fait par mon intermittence. Ah, par votre intermittence. Ah oui, là. Oui, là. Nous avons soupé en tête à tête comme ça avec le duc. Oh, il est coquin. Oui, ça. Oui, comme ici ce soir. À part qu'il y avait un tas de larbins. Ah. Écoutez, je regrette. Oui, oh, c'est pas un reproche. Chez moi, j'ai pas de larbins. Ah, alors? Tenez, débouchez donc ce champagne. Moi? Bah, naturellement, vous. Bon. Mais Au fait, de Cussinge, de Champrinet, ses compères et compagnons, vous êtes aussi de la haute? Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que vous êtes, marquis, vicomte, commandant, quoi? Comte. Oh, comte, c'est bien. Mais alors, si vous êtes comte, comment se fait-il que vous ayez un gendre qui soit rien du tout? Ben, on ne choisit pas. Comme vous dites, on ne choisit pas. Ils sont charmants. Oh, mon Dieu, ce macaroni est d'un lourd. Vous ne trouvez pas? Non, j'étais en train de me le dire. Hop! Oh, ça me donne le loquet. Hop! Pas vous? Non. Non, moi, je n'ai jamais le hoquet. Oh, vous avez de la chance. Hop! Mais dépêchez-vous donc de déboucher votre bouteille. Hop! Vous... Je ne peux pas arriver à enlever le bouchon et coller. Oh, comme c'est agréable. Il n'y a que... Hop! Même pas à boire. Hop! Le fait est que... Qu'on a soif. Alors, allons bon. J'ai le hoquet aussi. Mais prenez un... Hop, bouchon! Attendez, donnez-moi... Ça. Volontiers, si vous vous en tirez. Mais dépêchez-vous, hop! Mais oui. Hop! Hop! Hop! Oh! Hop! Non, mais c'est vrai que c'est embêtant, les gens qui ont le hoquet quand on l'a pas. Mais qu'est-ce qu'elle a dans cette... Mais enfin, de l'eau, un liquide, hop! Quelque chose... Oui, ou alors trouver le tire-bouchon. Oh là là, ben l'eau distillée, là, hop. Ah oui, l'eau distillée. Ah, mais ne vous trompez pas, hop. Prenez pas le sublimé, hop. Non, voilà. Plus, eau distillée. Encore. Oh. Ah, ça fait du bien. Ah oui. Oh, madame la sage-femme, s'il vous plaît, voulez-vous venir? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne sais pas, il faudrait que vous voyiez une chose que je ne m'explique pas. Ah oui. Quoi, qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas? Ben non, rien, c'est madame la sage-femme que... Bah, là, j'y vais. Oh, pardon, mais faites-moi du café, monsieur. Quoi? Bah oui, du café, hop. Oh, tiens, voilà que ça revient. Faites-moi du café, elle me prend pour son valet de chambre. Moi aussi, du café. Ah, parfait, non, rien d'autre. Non, rien d'autre, Pierre. Bon, Clémence. Monsieur. Du café, vivement. Oh, mais j'ai pas le temps. Mais je vous demande pardon, mille regrets, elle n'a pas le temps. Alors, n'est-ce pas, ce sera pour plus tard, hein. Ah, charmant. Quelle journée, mal dîner, l'accouchement de ma fille, le hockey, pas de café, c'est complet. Bah, je suis désolé. Oui, oh, vous êtes désolé. Et alors? Quoi alors? Qu'est-ce qui va le nourrir, ce petit? Ben pour le moment, c'est sa mère, c'est pas moi. Sa mère? Vous avez la prétention de faire nourrir ma fille? Ben pourquoi pas, ça se fait beaucoup chez les femmes. Chez les femmes du peuple, oui. Et chez celles de notre condition. Oh. Oh, je vous ai pas donné ma fille pour la transformer en cantine, hein, pour la convertir en chiffon, une de Champrinet. Pardon, une tout-doux. Oui, posez, une tout-doux, c'est chic. Et tout ça par économie, pour ne pas payer une nourrice ou un biberon. On ne fait que des ratés au biberon. Ah ben merci bien, j'ai été nourri à ça. Ah oui, ah ben regardez un peu, je n'en savais rien. Oh, faire nourrir Léonie. Écoutez, non, l'enfant n'est pas encore là, attendez au moins qu'il soit venu. Demandez-lui donc de vous fournir le lait de votre café pendant que vous y êtes. Oh, vous exagérez. Mais c'est vrai, ça. La bonne, oui, la bonne. Qu'est-ce qu'il y a? Je demande la bonne. Adèle. Quoi, Adèle? C'est pas la peine de l'appeler Adèle, elle s'appelle Clémence. Ah bah oui, je confonds avec la maison avant. Clémence, voilà. Bah, elle fait le café de mon beau-père. Ah oui, oh bah il attendra. Et le vôtre. Ah bon. Madame m'appelle. Apportez une boule d'eau chaude chez madame, vite. Bien. Madame Virtuelle. Non, je vous vois faire rire. Est-ce qu'il y a du nouveau? Ah bah oui, il y a du nouveau. Pas besoin d'en voir davantage, je suis fixée, ça y est. Ça y est? Ah, déjà. Alors, on sait ce que c'est? Ah oui. C'est un garçon? Non. Une fille? Non. Ni fille ni garçon? Alors quoi? Rien du tout. Rien? Comment rien du tout? La grossesse nerveuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, une chose qui arrive, même qu'on s'y trompe. Oh! J'ai connu une femme comme ça qui a porté pendant 25 mois. On était même un peu étonnés, on disait, c'est pourtant pas un éléphant. Et puis un beau jour, comme dans la fable de La Fontaine. Mais quoi, la fable? Quelle fable? Oui. Bah, eh ben, la seule que nous connaissons toutes, nous les sages-femmes, parce qu'elle est professionnelle. La montagne qui accouche. Madame Toudou est en train de faire sa petite montagne. Alors quoi, une souris? Hein? Bah, mais non, quoi. C'est à recommencer, mon pauvre monsieur. Il y a Maldon. Ah, vous faites du joli ouvrage, je vous félicite. Comment? Même pas capable de faire un enfant quand vous engendrez, vous. Voilà à quoi ça aboutit. Un lapin. Ah, mais dites donc, est-ce que c'est de ma faute? Ah non, messieurs. Ah, allez-vous coucher. Ah, mais vous bousculez. Une grossesse nerveuse, une grossesse nerveuse. Ah, voilà l'autre. Ah oui, le voilà, ton tout doux, voilà ce qu'il nous fait, ton tout doux. Oh, si j'avais pu prévoir. Ah, mais... Ah, quand je te répétais que nous devions prendre un jeune dans notre monde... Ah, mais à la fin, vous m'embêtez dans votre monde, après tout, c'est votre fille qui a eu une grossesse comme ça, c'est pas moi. Eh ben, elle est de votre monde, alors, votre fille. Alors, du calme, enfin, du moins, moins de bruit, voyons. Oui, on la ferme. Mais enfin, il y a des malades. Oui, tout à l'heure, vous me faites une sortie parce que je vais avoir un enfant, maintenant, c'est parce que je n'en ai pas, vous savez, parce que vous voulez, à la fin. Quoi? Ah, taisez-vous, monsieur, vous êtes absolument ridicule. Oui, ridicule. Oui, eh ben, je suis ridicule, ça me plaît comme ça. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, un monsieur qui consent à mettre des pots de chambre sur sa tête. Qu'est-ce que vous dites? Parfaitement. Oh, mais tenez, j'aime mieux m'en aller. Ça, c'est ça, mais c'est ça. Tenez, monsieur, tenez, tenez, voilà votre chapeau. Oh, ah, mon chapeau. Ah non, ah non, non, non, ne le cachez pas, non, hein, non, non, non, mettez-le, que je puisse dire que je vous ai vu avec. Oh oui, oh ah, oui. Quoi? Hein? Ah oui, car vous êtes bien le premier homme qu'on aura vu avec un pot de chambre sur la tête. Vraiment? Ah, tu parles? Oui, dame. Eh ben, vous pourrez dire que vous avez été le second. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, mais on me fichera la paix à la fin. Oh, oh. Vous venez d'entendre « Léonie est en avance » ou « Le mal joli » pièce en un acte de Georges Feydeau. Les interprètes étaient Jacques Hézère de Champrinet, Alain Feydeau Toudou, Gérard Caillot le récitant, et Mesdemoiselles Yvonne Godot, Madame de Champrinet, Denise Jans, Madame Virtuelle, Paul Noël Léonie, Virginie Pradal Clémence. Nous écoutons maintenant « On purge bébé ». Les interprètes, messieurs Alain Pralon, Folavoine, Jean-Paul Moulineau, Adôme Chouillou, Philippe Hétès, Horace Truchet, et Mesdemoiselles Françoise Seigné, Julie Folavoine, Albert Aveline, Clémence Chouillou, Fanny Delbris, Rose, et Emmanuel Millou, Toto. À Paris, le cabinet de travail de M. Folavoine, fabricant de porcelaine. Celui-ci, penché sur sa table de travail, la jambe gauche repliée sur son fauteuil de bureau, la croupe sur le bras du fauteuil, compulse un dictionnaire. Voyons, voyons. Ils hébrident, ils hébrident. Ils hébrident. Ah, zut! Entrez! Quoi, qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est madame qui demande monsieur. Eh ben, qu'elle vienne. Si elle a me parlé, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, elle peut pas se déranger. Vraiment? Eh ben moi non plus. Je regrette, je travaille. Bien, monsieur. Bon, d'abord quoi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Je sais pas, monsieur. Eh ben, allez lui demander. Oui, monsieur. C'est vrai, ça. Au fait, dites donc, vous. Monsieur? Par hasard, les hébrides. Comment? Les hébrides. Vous savez pas où c'est? Les hébrides? Oui. Ah non. Non. C'est pas moi qui range ici, c'est madame. Quoi? Quoi qui range? Les hébrides. Des îles, bougourdignard. De la terre entourée d'eau, vous ne savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau? Oui, de la terre entourée d'eau, comment ça s'appelle? De la boue? Mais non, pas de la boue. C'est de la boue, quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah! Eh ben, les hébrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Ah oui, c'est dehors. Naturellement, c'est dehors. Ah ben non, je les ai pas vus. Oui, bon ben merci, ça va bien. Il n'y a pas longtemps que je suis à Paris, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et je sors si peu. Oui, ben ça va bien, ça va bien. Allez, allez retrouver madame. Oui, monsieur. C'est rien, cette fille, rien. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? Pas elle qui a rangé les hébrides. Je te crois, parbleu. Alors, hébrides, hébrides, hébrides. Oh là là là là, c'est extraordinaire. Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu. Mais de zébride, pas plus que dans mon œil. Ah si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. On trouve rien dans ce dictionnaire. Julie surgit en trombe, tenue de souillon, peignoir éponge dont la cordelière non attachée traîne par derrière, petit jupon de soie sur la chemise de nuit qui dépasse par en bas, bigoudi dans les cheveux, bas tombant sur les savates. Elle tient un seau de toilette plein d'eau à la main. Tu peux pas te déranger, non? Oh, je t'en prie, hein, n'entendons pas toujours comme une bombe. Oh! Oh, pardon. Tu ne peux pas te déranger, non. Eh ben et toi? Pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste, nous sommes mariés, alors... Quoi, quel rapport? Ah, oh, je serai seulement la femme d'un autre, il est probable... Oh, mais laisse-moi donc tranquille, je suis occupé, voilà tout. Occupé? Monsieur est occupé, c'est admirable. Oui, occupé. Oh! Quoi? Oh ben ça, tu es folle! Tu m'apportes ton seau de toilette ici, à présent? Quoi, mon seau? Où ça, mon seau? Ça! Oh là, ben c'est rien. C'est mes eaux sales. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais c'est pas pour toi, c'est pour les vider. Ici? Mais non, pas ici, que c'est bête ce que tu dis là. J'ai pas l'habitude de vider mes eaux sales dans ton cabinet de travail, j'ai du tact. Ben alors pourquoi me les apportes-tu? Ben pour rien, parce que j'avais le seau en main pour aller le vider quand Rose est venue me rapporter ta charmante réponse. Alors, pour ne pas te faire attendre... Mais tu ne pouvais pas le laisser à la porte? Oh, tu m'embêtes, hein. Ça te gêne tant, tu n'avais qu'à te déranger quand je te demandais de venir. Mais monsieur était occupé. À quoi? Je te le demande. À des choses, probables. Quelles? Eh ben, des choses. Je cherchais Ilzébride dans le dictionnaire. Ilzébride? T'es fou? T'as l'intention d'y aller? Mais non, je n'ai pas l'intention. Alors qu'est-ce que ça te fait? En quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les Hébrides? Moi, si tu crois que ça m'intéresse? Ah ben, je te jure que si c'était pour moi... Mais c'est pour bébé. Vous êtes ces questions. Les enfants s'imaginent, ma parole, que les parents savent tout. Papa, où c'est les Hébrides? Quoi? Où c'est les Hébrides, papa? Oh, j'avais bien entendu. J'avais fait répéter à tout hasard. Où c'est les Hébrides? Est-ce que je sais, moi? Tu sais où c'est, toi? Ben oui. C'est... J'ai vu ça quelque part, sur la carte. Je me rappelle pas où. Ah bah oui, comme ça, moi aussi. Je pouvais pas lui répondre ça, cet enfant. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? J'essayais de m'en tirer par la tangente. Chut, allez, ça ne te regarde pas. Les Hébrides, c'est pas pour les enfants. Donc voilà une idée, c'est idiot. Oui, ah, ça... C'était pas heureux. C'était précisément dans les questions de géographie que lui avait laissé mademoiselle. Dame, évidemment, c'était à prévoir. Eh oui. Et aussi, est-ce qu'on devait encore apprendre la géographie aux enfants à notre époque? Avec les chemins de fer et les bateaux qui vous mènent tout droit. Et les indicateurs, où l'on trouve tout. Quoi? Quel rapport? Mais absolument! Est-ce que quand tu as besoin d'une ville, tu vas chercher dans la géographie? Non, tu cherches dans l'indicateur. Eh ben alors? Mais alors, ce petit, tu l'as pas aidé? Tu l'as laissé dans le pétrin? Madame, comment veux-tu? C'est-à-dire que j'ai pris un air profond, renseigné, celui du monsieur qui pourrait répondre, mais qui ne veut pas parler, et je lui ai dit, mon enfant, si c'est moi qui te monte, tu n'as pas le mérite de l'effort. Essaie de trouver. Si tu n'y arrives pas, alors je t'indiquerai. Ah oui, vas-y voir. Ah, je suis sorti de sa chambre avec un air détaché. Aussitôt la porte refermée, je me suis précipité sur le dictionnaire, persuadé que j'allais trouver. Ah bah oui, je t'en fiche. Nib. Nib? Enfin, rien. Dans le dictionnaire? Allons. Oui, oh bah. Voyons. Oh, tu peux regarder. Ah non, vraiment. Il va bien dire à mademoiselle de ne pas farcir la cervelle de ce petit avec des choses que les grandes personnes elles-mêmes ignorent et qu'on ne trouve seulement pas dans le dictionnaire. Ah ça, mais... Quoi? C'est dans les aides que tu as cherché ça? Hein? Bah oui. Dans les aides? Les Hébrides? Oh bah je te crois que t'as pas pu trouver. Quoi? C'est pas dans les aides? Qui te mentit, c'est pas dans les aides? Bah, c'est dans quoi alors? Porcelainier, va. Tiens, tu vas voir comme c'est dans les aides. Ébrasé, ébre, ébréché. C'est dans le voyons. Ébriété, ébroïcien, et tiens. Ben, comment ça se fait? Quoi? Ça y est pas? Ah ben, je suis pas fâché. Toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. Je comprends pas, ça devrait être entre ébréché et ébriété. Ben, quand je te dis qu'on ne trouve rien dans ce dictionnaire, tu peux chercher les mots par une lettre ou par une autre, c'est le même prix. On ne trouve que des mots dont on n'a pas besoin. Curieux. Ah, tout de même. Je vois que la porcelainière peut aller de pair avec le porcelainier. En tout cas, j'ai cherché dans les œufs. C'est plus logique que dans les aides. Ah, là, là. Plus logique dans les œufs. Pourquoi pas aussi dans les haches? Dans les haches, dans le haches. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans les haches? Mais au fait, dans les haches, pourquoi pas? Mais oui. Hébride. Hébride. Eh ben, il me semble bien que... Mais oui. H. Quoi? H. Hébreu. Et hébre, hébreu, hébride. Mais oui, voilà, hébride, ça y est. Tu l'as trouvé? Ah, là, voyons. En plein hébride. Île qui borde l'Écosse au nord. Eh ben voilà. Et puis encore, nouvelles hébrides, île de la Mélanésie. Mélanésie. Ah voilà, c'est bien ça. Tout à l'heure, nous n'avions pas d'hébrides du tout, et maintenant nous en avons trop. Voilà, c'est l'éternelle histoire, c'est la vie. Oui, mais lesquelles lui faut-il maintenant à ce petit? Oh, bah ça m'est égal, hein. Choisira celle qu'il voudra. On avait besoin d'hébrides, on en a, c'est l'essentiel. S'il en a trop, on en laissera. Et dire qu'on cherchait dans les œufs. Et les aides. Oh, on aurait pu chercher longtemps. Et c'était dans les H. Qu'est-ce que je disais? Comment est-ce que tu disais? Eh ben oui, quoi. C'est peut-être pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H. Ah pardon, tu l'as dit, tu l'as dit ironiquement. Ironiquement? En quoi ça, ironiquement? Absolument! Pour te moquer de moi. Oh, pourquoi pas aussi dans les H? Oh, ben non, tu sais... C'est moi, alors, qui subitement ai eu comme la vision du mot. Comme la vision du mot. Non, mais c'est admirable. Comme la vision du mot. La mauvaise foi des femmes, hein. Oh, je te dis pourquoi pas dans les haches. Alors tu sautes là-dessus, tu fais au fait oui, pourquoi pas dans les haches. Et tu appelles ça avoir la vision du mot. Ah, bah c'est commode. Ah, c'est trop fort. Quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire, quand c'est moi qui ai cherché dedans. Oui, dans les œufs. Dans les œufs. Dans les œufs d'abord. Comme toi, avant. Dans les aides. Ensuite, dans les haches. Oh, belle malice, quand j'ai eu dit, pourquoi pas dans les haches? Oui, comme t'aurais dit, pourquoi pas dans les culs? Oh non, ma chère amie, non, hein. Si nous en arrivons aux grossièretés... Quoi? Quelle grossièreté? Oui, bah moi je te préviens, hein. Je suis pas de force, alors. Où ça, des grossièretés? Parce que je te tiens tête? Parce que je te dis ce qui est? Mais oui, c'est moi qui ai trouvé, oui, c'est moi qui ai trouvé! Eh ben oui, bon, c'est bon! Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Hein? Ben je cherche... Je cherche où mettre ton seau. Eh ben, pose-le par terre. Ouais. Non, tu sais, avoir l'aplomb de prétendre... Oh, mais oui, là, puisque c'est entendu, c'est toi qui as trouvé... Mais parfaitement, c'est moi. Il ne s'agit pas d'avoir l'air de me faire des concessions. Oh, et puis je t'en prie, en voilà assez, hein. Avec tes E, tes Z, tes H et tes Q, c'est vrai, ça. Tiens, tu ferais mieux d'aller t'habiller. Me dire que j'ai pas eu la vision... Mais oui, là. Il est près de 11h et tu es encore en train de traîner en souillon. Oui, oh, change la conversation, va, change. Avec ton peignoir sale, tes bigoudis et tes bas qui traînent sur tes talons. Bah, sur lequel veux-tu qu'ils traînent? Sur les tiens? Mais sur aucun talon du tout. Là, voilà, ils sont relevés. Oui, oh, tu crois que ça va les empêcher de retomber, ce que tu fais? Enfin, tu peux pas les attacher. Avec quoi? J'ai pas de jartelle. Eh ben, mets-en. À quoi veux-tu que je les accroche? J'ai pas de corset. Eh ben, mets un corset que... Oh, et puis zut, hein. Et tout de suite que tu veux que je me mette en robe de bal pour faire mon cabinet de toilette. Mais non, d'une brique, qu'est-ce qu'il te demande de le faire, ton cabinet de toilette? On dirait que tu n'as pas de domestique. Tu es une femme de chambre, sacrebleu. Faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre? Oh! Eh ben merci, pour que tout soit cassé, bréché, non, je fais ça moi-même. Ah, alors c'est pas la peine d'avoir une bonne, si elle ne te sert à rien. Je te demande pardon, elle me sert, elle est là. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fiche pendant que tu fais son ouvrage? Eh ben, elle me regarde. Eh ça, voilà, elle te regarde. Je paye une fille 400 francs par mois pour qu'elle te regarde. Oh, je t'en prie, hein, ne parle donc pas tout le temps de ce que tu payes. C'est d'un parvenu. Ouais, d'un parvenu tant que tu voudras. Je trouve que du moment que je paye une femme de chambre 400 francs par mois... Non mais dis donc, je ne te demande pas de gage, moi, n'est-ce pas? Eh bien, dès l'instant que ça ne te revient pas plus cher, qu'est-ce que ça te fait que ce soit elle ou moi qui fasse l'ouvrage? Ça me fait que j'ai une bonne pour qu'elle fasse le service de ma femme, et non une femme pour qu'elle fasse le service de ma bonne. Ou alors, si c'est ça, je supprime la bonne. Voilà, nous devions en arriver là. Il marchande une domestique. Oh là là, je lui marchande une domestique maintenant. Mais absolument. Oh, tiens, remonte donc tes bas, va, tu feras mieux. Mais oh, tout ça parce que je préfère faire mon cabinet de toilette moi-même. Oh, t'es bien le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Ah, pardon. Entre s'occuper de son ménage et... Tu aimerais mieux, n'est-ce pas, que je fasse comme toutes ces dames que je vois, que je ne pense qu'à matifer, qu'à créer de la dépense. Ah là. Toujours dehors, au bois, aux courses, dans les grands magasins. Ah, non, je t'en prie. Au skating le matin, au skating l'après-midi. Non, je t'en prie, veux-tu? Quel joli but dans l'existence. Mais non, ça ne va pas là, laisse. Mais quoi? Mais papier, crayon d'un chien, je t'ai pas demandé de ranger. Je peux pas voir une table en désordre. Eh ben ne la regarde pas, mais laisse-la tranquille. Oh, je m'en fiche de ta table. Oui, eh ben prouve-le-lui. Ah, il va ranger chez toi. Besoin de faire le ménage partout. Oui, enfin, voilà comment tu voudrais que je sois, hein. Quoi, que tu sois quoi? Je ne sais pas de quoi tu me parles. Comme ces femmes-là? Mais ce que je sais, je ne te demande que de ne pas fouiller dans mes papiers, c'est pas beaucoup. Une mondaine, une madame Benoiton. Désolé, mon cher, j'ai pas été élevée à ça. Oui, bon, eh ben tant mieux. Tu sauras que ma famille... Oh, mais allons, voyons. Que ma famille, quand il s'est agi de mon éducation, n'a eu qu'une chose en vue, c'est faire de moi une femme d'intérieur, une bonne ménagère. Écoute, écoute, écoute, je t'assure, c'est très intéressant, mais il est 11h et... Ça m'est égal. C'est ainsi qu'on m'a appris à faire tout par moi-même et à ne compter que sur moi. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie si on aura toujours des gens pour vous servir. Débat. Ah zut. J'ai été dressée à ça toute petite, si bien que c'est devenu chez moi comme une seconde nature. Maintenant, est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Je ne peux dire qu'une chose. Je tiens ça de ma mère. Hein ? Ah, ma belle-mère ? Non. Ma mère. Bah oui, c'est la même chose. C'est possible. Mais ma mère, c'est tendre, c'est affectueux. C'est poli. Tandis que ma belle-mère, ça a quelque chose de sec, d'aigre doux, de discourtois, que rien ne justifie. Oh, moi, tu sais, je veux bien. J'ai dit ma mère. Eh bien, c'est ma mère. Inutile de me corriger pour me dire ma belle-mère. Mais non, je t'assure que si j'ai dit ma belle-mère, c'est que vis-à-vis de moi... Quoi ? Elle n'a pas toujours été correcte ? Tu as quelque chose à lui reprocher ? Mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher ? Seulement, ça n'empêche pas tout de même que vis-à-vis de moi, ta mère... Eh bien, j'en prie, hein. Voilà assez, avec ma mère. Quoi ? C'est vrai, ça. Cette façon de tomber toujours sur cette malheureuse. De la cribler de lardons à tout propos. Moi ? Tout ça parce que j'ai eu le malheur d'apporter mon seau de toilette dans ton cabinet de travail. Oh, non, celle-là, par exemple. Mais on va l'enlever, mon seau. Voilà, je l'enlève. Il n'y a pas de quoi faire une histoire. Je l'enlève. Eh ben, c'est pas un mal. Non, faire une sortie pareille pour un misérable seau de toilette, vraiment, on aurait commis un crime. Seulement, tu sais, une autre fois... Quand t'auras un reproche à me faire... Ah non, pardon. Quoi ? Mais voilà le saut revenu. Idiot, quand t'auras un reproche à me faire, tu voudras bien me dire les choses en face et ne pas t'en prendre à maman. Mais nom d'un petit bonhomme, qu'est-ce que j'ai dit, sacrebleu ! Oh, rien, c'est entendu. Il ne te manque plus que de faire l'hypocrite. Oh ! Comme si je comprenais pas toujours très bien ce que tu veux dire quand tu ne dis rien. Oh non, mais ça c'est un comble alors. Comment je dis ? Oh, mais non, laisse mes papiers tranquilles à la fin des fins. Qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as ? J'aime l'ordre. Ah, tu aimes l'ordre ? Tu aimes l'ordre ? Regarde ça. Tu aimes l'ordre. Eh ben quoi ? Tu aimes l'ordre ! Ha ha ! Tu ferais pas mal d'aller en mettre un peu dans ta toilette. Non, je t'en supplie, écoute, tu avais eu un bon mouvement tout à l'heure. Tu étais presque parti avec ton seau. Il a fallu que tu me le rapportes. J'ai hâte de parler. Oui, eh ben plus tard. Non, pas plus tard. Tu penses bien que si tout à l'heure je t'ai fait demander... Mais écoute, je t'en prie, il est 11h. Tu n'as pas encore commencé à t'habiller. Nous avons les chouillous à déjeuner. Les chouillous. Je m'en fiche, moi, des chouillous. Oui, mais pas moi. Chouillou est un homme que j'ai le plus grand intérêt à ménager. Possible, désolé, mais il attendra. Il s'agit de bébé. Et entre bébé et chouillou, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Oh, mais quoi, bébé ? Ou alors, dis que tu préfères chouillou. Mais non, ça n'a rien à voir. Je ne mets pas bébé et chouillou en parallèle. Ça n'empêche pas que quand on reçoit un étranger d'importance, on se met en frais pour lui. Ça n'implique pas qu'on le préfère à sa famille. Chouillou doit venir un peu avant le déjeuner pour conférer avec moi d'une grosse affaire que j'ai en vue. Eh ben, conférer ? Qu'est-ce que ça me fait ? Mais il va arriver d'un instant à l'autre. Tu ne peux pourtant pas le recevoir avec ton peignoir sale, tes bigoudis, ton seau de toilette sur les genoux et tes bas qui tombent sur tes talons. Oh, tu m'embêtes avec mes bas. Alors quoi ? Ton chouillou, c'est parce que c'est des bas qui ne sont pas attachés, non ? Madame Chouillou, quand elle se lève, elle est en grande toilette. Je ne sais pas comment est Madame Chouillou quand elle se lève, mais je dis que ta tenue n'est pas une tenue pour recevoir des gens que l'on a pour la première fois à déjeuner. Ah bah t'es en redingote, ça fait compensation. Mais moi je suis correct. Mais qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Tes élastiques. Quoi, pourquoi ? Comme ça, tu me ficheras la paix avec mes bas. Mais c'est des caoutchoucs pour mes dossiers. C'est pas des jarretières. Ce n'est pas des jarretières, parce qu'on n'en fait pas des jarretières. Mais puisque j'en fais des jarretières, ça devient des jarretières. Oh, non, ce désordre. Tu es correct. Si c'est pas grotesque, à 11h du matin, se mettre en redingote pour monsieur Chouillou, ce cocu. Quoi, ce cocu ? Qu'est-ce que ça signifie, ce cocu ? Qu'est-ce que tu en sais ? Oh, c'est toi qui me l'as dit. Moi ? Je ne l'ai pas inventé, n'est-ce pas ? Je connais pas Chouillou. C'est pas un de mes amis. J'ai donc pas de raison d'en dire du mal. Oh, Chouillou, cocu. Si on peut dire. Faut croire qu'on peut, puisque tu me l'as dit. Bah, je te l'ai dit. Quand j'avais pas besoin de lui. Et maintenant que j'ai besoin de lui. Quoi ? Il est plus cocu ? Mais non ! Mais si ! Enfin, nous n'avons pas à le savoir. C'est pas comme tel que nous le recevons. En vérité. Oui. un homme qui actuellement peut m'être très utile. En quoi? Ah bah pour une grosse affaire que je mijote. Ce serait trop long à t'expliquer. Oui. Oh, je sais, t'as des idées larges quand ton intérêt est en jeu. Oh, enfin quoi, ça te gêne qu'il soit cocu? Oh là là, non, il peut bien l'être 10 fois plus. Mais ce qui me gêne, c'est que tu m'amènes sa femme à déjeuner, ça oui. Bon, je pouvais pas inviter monsieur sans madame, ça ne se fait pas. Oui? Et son amant, monsieur Horace Truchet, t'es obligé d'inviter son amant? Mais évidemment, c'est l'usage, ma chère amie. On les invite partout comme ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas convié monsieur Truchet, c'eût été un manque de tact. Chouillou aurait pu même se demander ce que ça voulait dire. Enfin quoi, ça ne se fait pas. Admirable. Ce qui fait que nous les avons tous les trois. L'adultère au complet. Assez moral. Joli contact pour ta femme et bel exemple pour Toto. Oh, Toto, il a 7 ans. Il les aura pas toujours. Bah oui, en attendant, il les a. Oh, évidemment, évidemment. Sa santé morale, c'est comme sa santé physique. Tu t'en soucies comme de l'an 40. Oh là là là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie encore, mais... ça? Mais il n'y a qu'à voir. Voilà une heure, j'essaie de te parler de bébé, de t'entretenir de sa santé. Il n'y a pas moyen de placer un mot. Chaque fois que j'ouvre la bouche, que je dis bébé, tu me réponds chouillou. Il n'y en a que pour chouillou, chouillou, chouillou. Et toujours chouillou. Mais enfin quoi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai à te parler. Eh ben parle. Ah, c'est pas trop tôt. Quoi? Ah, ah non, non. Quoi? Bah, tu peux pas te fourrer autre part que sur ton seau? Tu trouves qu'un seau de toilette est fait pour s'asseoir? Ça n'a pas d'importance, je suis très bien. Mais il ne s'agit pas de savoir si tu es bien. Un seau de toilette n'est pas un siège. Je te prie de te mettre sur une chaise. Oh, oh, ce que tu es snob. Mais il n'y a pas de snobisme. Tu peux faire un faux mouvement, me flanquer ton seau par terre. J'ai pas envie d'avoir tes os sales sur mon tapis. Beau malheur, ça le lessiverait. Ah oh bah merci, trop aimable. J'aime mieux autre chose. Enfin quoi, bébé, là, alors là, qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah! Je peux. Ben oui, tu peux. Eh ben voilà. Je suis très ennuyée. Ah. Je suis pas contente de Toto. Oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été? Non. Il n'a pas été. Où ça? Quoi, où ça? Nulle part. Il n'a pas été. Un point, c'est tout. Il me semble que c'est clair. Ah, oui, oh. Ah, eh bien oui. Nous avons essayé. 4 reprises différentes. Pas de résultat. Ou une fois, oui, oh, oh. Rien. Grand. Comme ça. Ah. Et dur. Ah oui, c'est de la constipation. C'est de la constipation. Oui. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comment est-ce que je veux? Dame, je peux pas aller pour lui. Oh, oh, oh, c'est malin. C'est malin ce que tu dis là. Évidemment, tu ne peux pas aller pour lui. Alors? Ça me ferait une belle jambe que tu ailles pour lui. C'est pas une raison, parce qu'on ne peut pas aller pour les gens, pour les laisser crever. Vraiment, tu es d'une indifférence. Enfin, tu ne veux pourtant pas que je me mette à pleurer parce que ce petit est un peu constipé. Pourquoi donc pas? Faut jamais plaisanter avec la constipation. Oh. J'ai lu dans un livre qui s'appelle « Les coulisses de l'histoire » qu'un bâtard de Louis XV avait failli mourir à 7 ans des suites d'une constipation opiniâtre. Eh ben oui, mais elle était opiniâtre et il était bâtard de Louis XV, ce qui n'est pas le cas de Toto, ni d'un côté ni de l'autre. Oui, mais Toto a 7 ans comme lui, et il est constipé comme lui. Eh ben mon Dieu, il n'y a qu'à le purger. Oh, oh, évidemment. Eh ben purge-le. Merci, c'est pas ton autorisation que je demande. Seulement avec quoi le purger? Il y a les purgations minérales et les purgations végétales. Eh ben donne-lui de l'huile de ricin, il la prend facilement et ça lui réussit bien. Oh non, non. L'huile de ricin, non, je peux pas la supporter. Je la rends immédiatement. Mais il ne s'agit pas de te la faire prendre à toi. C'est à ton fils. Mais c'est la même chose. Rien que de l'avoir, rien que d'en parler. Oh non. D'ailleurs, je vois pas pourquoi tu fais toutes ces complications. Nous avons de côté, dans le placard à pharmacie, une bouteille d'Uniandi Janos. Je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas parce que tu préfères l'huile de ricin. Moi? Il y a de l'Uniandi Janos, bébé prendra de l'Uniandi Janos. Eh ben, donne-lui de l'Uniandi Janos. Seulement, je vois pas pourquoi tu es venu me consulter. Pour savoir ce que j'avais à faire. Ah, ah bon? Ben, il n'y paraît pas. C'est gai d'avoir à le purger cet enfant. C'est toujours comme ça, chaque fois que je le confie à sa grand-mère. Quelle grand-mère? Ah ben sa grand-mère. Il n'en a pas 36. Ta mère habite Düsseldorf, ça ne peut être que maman. Ah, oui, oui, ta mère. Eh ben oui, ma mère. Ta mère, ta mère. Ah, je le sais qu'elle est ma mère, cette façon de dire ta mère. T'as toujours l'air de me le reprocher. Moi? Non, mais c'est bien ça. Toutes les fois qu'elle sort avec bébé, ça ne manque pas. Elle le bourre de gâteaux, de bonbons. Oh, bah toutes les grand-mères sont comme ça. C'est possible, mais elle a eu tort. Surtout que je l'avais prié de n'en rien faire. Oh, bien, elle n'a pas cru, la pauvre femme. Elle n'a pas cru, c'est entendu. Mais elle a eu tort tout de même. Oh, bah. Mais si, il n'y a pas de « oh, ben ». C'est curieux, ça, cette affectation que tu mets à donner toujours raison à maman, à prendre son parti contre moi. Je te dis qu'elle a eu tort. Eh ben, elle a eu tort. Bon. Résultat, bébé ne va pas. On est obligé de le purger. Eh ben oui, mon Dieu, c'est embêtant, mais il n'en mourra pas. Je l'espère bien qu'il n'en mourra pas. Oh, ben merci. Mais c'est monstrueux, ce que tu dis là. Il n'en mourra pas en parlant de ton fils. Mais c'est ton enfant, tu sais. T'as pas l'air de t'en douter. Il est de toi. Bah, j'espère bien. Je suis pas comme Madame Chouillou, moi. Je ne fais pas faire ton ouvrage par mes petits cousins. Oh, tiens, laisse-moi tranquille. Quand j'ai un enfant, moi, il est de mon mari. Mais qu'est-ce qui te dit le contraire? Oh, c'est que c'est si peu d'un père, ta façon d'être. Tiens, tu mériterais qu'il ne fût pas de toi, ton fils. Oh, t'es bête. Tu mériterais que ce fût un bâtard, lui aussi. Et que je l'ai eu. Avec Louis XV. Avec Louis XV? Oui, monsieur. Eh ben, nom de Dieu, ça t'en ferait de la cave. Oh, je t'engage à rire. Oh, et puis écoute, hein, en voilà assez, je crois, hein. L'incident est clos. C'est décidé qu'on purge bébé, eh ben, va purger bébé. Oh, ça va être un drame. Eh ben, ça sera un drame, tant pis. Allez, je t'en prie, maintenant, laisse-moi, hein. J'aime recueillir avant l'arrivée de Chouillou pour savoir comment disposer mes batteries. Allez, va t'habiller. Non, ce pauvre petit. Quand je pense qu'il va falloir le purger, j'en suis malade d'avance. Hé, hey, Julie! Quoi? Mais je t'en prie, ton seau, je t'assure, je l'ai assez vu. Et quoi, mon seau? Toujours mon seau, Chouillou, mon seau, Chouillou, on n'entend que ça. Mais ça, Christine, un cabinet de travail n'est pas un endroit pour promener des seaux de toilette. Tout en parlant, il a tiré de la bibliothèque un vase de nuit qu'il exhibe juste sur ces derniers mots. Ah! Ben, non, tu sais, t'as du culot, hein. Tu me fais une scène pour mon seau et tu te balades avec un pot de chambre. Un pot de chambre? À moins que ce soit une coiffure que tu lances. Un pot de chambre. Tu oses comparer ton seau de toilette à ça? Mais ton seau de toilette, ça n'est que ton seau de toilette. C'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Tandis que ça, c'est... C'est un pot de chambre. C'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Oui, oh, pour toi, pour n'importe qui, pour les profanes. Mais pour moi, c'est quelque chose de plus noble, de plus grand, que je ne rougis pas d'introduire ici. C'est le produit de mon travail, un échantillon de mon industrie, ma marchandise, mon gagne-pain. Eh ben mange, mon ami, mange. Oui, oh, blague, oui. Tu blagueras pas toujours. Quand nous en ferons 300 000 livres de rente... 300 000 livres de rente de peau de chambre? De peau de chambre, parfaitement. Ça t'étonne, hein? Et pourtant, si Dieu le veut, et Chouillou, ça se fera. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il n'y a pas d'histoire. Je t'en parlais pas pour te réserver la surprise, si je réussissais. Et puisque c'est comme ça, alors tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus qu'un objectif, améliorer le sort du soldat. On le soigne, on le dorlote. On le met dans du coton. Dernièrement, on a été jusqu'à lui coller des pantoufles. Des pantoufles, soldat. Comme je te le dis. C'est martial. Et naturellement, on ne veut pas en rester là. C'est comme ça que maintenant, on vient de décider, afin que les hommes ne soient plus exposés à attraper froid en descendant la nuit par le vent, par la pluie, que désormais chaque soldat de l'armée française aurait son vase de nuit. Non. Personnel et à son matricule. Oh, ce que ça en fera? Conséquence, prochainement, adjudication de cette nouvelle fourniture militaire, et moi, comme fabricant de porcelaine, j'ai décidé de soumissionner. Et c'est ici que Chouillou apparaît comme le deus ex machina. Ça veut dire? Quoi? Chose là, taquina. Quoi taquina? Machina. Ben c'est ce que je dis, taquina. Je te demande ce que ça signifie. Ce que ça? Oui. Eh ben va. C'est pas facile à dire. Pourquoi? C'est cochon? Mais non, c'est pas cochon. Deus ex machina. C'est une expression comme ça. Là, les Grecs employaient cette locution pour désigner un gros bonhomme. Un gros manitou. Un obèse. Mais non. Un homme de grosse influence. Ah, c'est au figuré, oui. Eh ben, Chouillou, c'est ça. Chouillou, c'est le président de la commission d'examen chargée par l'État d'adopter le modèle qui sera imposé comme type à l'adjudicataire. Comprends-tu, maintenant, l'intérêt qu'il y a à se le ménager? J'ai le brevet de la porcelaine incassable, n'est-ce pas? Eh bien, que par l'influence de Chouillou, la commission adopte la porcelaine incassable, ça y est, l'affaire est dans le sac, et ma fortune est faite! Oui? Et ça te mènera à quoi, ça? À quoi? Mais si je réussis, c'est le pactole! Je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française! Le fournisseur des pots de chambre de l'armée française? De tous les pots de chambre de l'armée française! Et on le saura? Mais naturellement qu'on le saura! Ah non! Oh non, non, non, non, non, non, non, non! Je ne veux pas être la femme d'un monsieur qui vend des pots de chambre. Hein? Mais en voilà des idées mensonges que c'est la fortune! Ça m'est égal, c'est dégoûtant! Mais non d'un chien, mais... Mais qu'est-ce que je fais donc d'autre aujourd'hui? J'en vends des vases de nuit, j'en vends tous les jours. Pas sur ce pied-là, mais j'en vends. Oh, tu en vends, comme tu vends d'autres choses. Des fabricants de porcelaine, c'est tout naturel. Que tu vends des articles qui relèvent de ton industrie, c'est normal, c'est bien. Mais te spécialiser, devenir le monsieur qui vend exclusivement des pots de chambre. Oh non, non. Même pour le compte de l'État, non. Mais tu es folle, mais enfin, mais réfléchis. Où c'est tout réfléchi? Tu es bien aimable. J'ai pas envie de marcher dans la vie auréolée d'un vase de nuit. J'ai pas envie d'entendre dire chaque fois que j'entrerai dans un salon. Qui est donc cette dame? C'est Madame Follavoine, la femme du marchand de pots de chambre. Ah non, non! Oh, bah par exemple. Ah bah si je m'attendais. Ah oh, mais je t'en prie, hein. Tu ne vas pas au moins aller dire ça à Chouillou? Ça sera du joli. Oh, j'ai rien à dire à Chouillou. Bah, écoute, écoute, je verrai, hein. Il y a peut-être moyen d'arranger les choses, de mettre un homme de paille, je sais pas. Hein, mais écoute, ne me fais pas rater ça, je t'en supplie. Et quand Chouillou sera là, surtout sois aimable, sois poli. Non, mais dis donc, j'ai pas l'habitude d'être impoli. J'ai l'usage du monde. Mais j'en doute pas, mais... Mon père a reçu Monsieur Thiers. Oui, oh, t'étais pas né. C'est possible, mais mon père l'a reçu tout de même. Alors, n'est-ce pas? Oui, bon, alors ça va bien. Là, allez, va purger bébé, habille-toi et débarrasse-moi de ton seau, hein, veux-tu? Mais quoi? Quoi? Je l'ai, mon seau. Je t'en prie, hein, j'ai pas besoin que tu me dises toujours ce que j'ai à faire. Ah bah tiens, on sonne. Oh, sûrement c'est Chouillou, je t'en supplie, dépêche-toi, si on l'introduisait. Ah bah quoi, il me verrait? Eh bah justement, comme ça j'aime autant pas. Oh, oh, oh, les femmes, les femmes. Oh, est-ce que ça vous complique la vie? Ah. Eh bah, qu'est-ce qu'on attend pour introduire Chouillou? Personne? Ah, ça va. Rose! Rose! Monsieur? Ben, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui a sonné? C'est une dame qui venait pour que monsieur lui arrache une dent. Moi? Ben, est-ce que c'est mon affaire? Fallait l'envoyer chez le dentiste. C'est ce que j'ai fait, elle est montée au-dessus. Oh, c'est insupportable, c'est tout le temps la même chose. Oh! Est-ce que monsieur sait? Quoi? Qu'il a son vase de nuit à la main? Ah oui, oui, je sais, merci. Oh, je croyais que c'était une distraction, pardon. D'ailleurs, ce n'est pas un vase de nuit. C'est un article d'équipement militaire. Oh! Eh ben c'est curieux comme ça ressemble à un vase de nuit. Oui, ben ça va bien, ma fille. Allez, allez. Ah. Bon, voyons. Étant donné que sur le pied de paix, l'armée française compte à peu près 300 000 hommes, un vase de nuit par homme, si le vase de nuit revient à... Bastien, viens un peu. Chut, chut, j'ai pas le temps. Je te dis de venir. Bébé veut pas se purger. Eh ben force-le, tu as assez d'autorité. Oh! Quoi? Bah, tu me rapportes encore ton seau! J'ai pas le temps d'aller le vider, je t'en prie, viens! Ah non, non, non! Je l'ai assez vu celui-là! Remporte-moi ça, remporte-moi ça! Oui, bon, je t'en prie! Y'a bébé! Allez, allez! Remporte-moi ça! Mais je te répète! Je m'en fiche! Remporte-moi ça! Mais je... Remporte-moi ça! Ah! Et puis tu m'ennuies à la fin, avec mon seau. Quoi? Remporte-moi ça! Remporte-moi ça! Je suis pas ta domestique! Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai. C'est toujours moi qui fais tout ici! Il te gêne, mon seau? Eh ben, t'as qu'à le remporter. Moi? Je l'ai bien apporté. Tu peux bien le rapporter à ton tour. Mais, sacristi, ce sont tes eaux sales, ce sont pas les miennes. Oui? Eh ben, je te les donne. T'as plus de scrupules à avoir. Enfin, Julie, mais t'es pas folle? Je te les donne, je te les donne! Julie, mais enfin, veux-tu remporter ça? Julie! Monsieur Chouillou! Julie, mais veux-tu me remporter ça? Bonjour, cher monsieur Follavoine. Ah, foutez-moi la paix, hein! Oh! Oh! Oh, pardon, monsieur Chouillou. Déjà? Est-ce que j'arrive trop tôt? Du tout, du tout, du tout. Seulement, je conversais avec Madame Follavoine, alors je n'avais pas entendu sonner. J'ai sonné, cependant, et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le don de traverser les murailles. Oh, charmant, charmant. Oh, mon Dieu. Oh, si vous voulez vous débarrasser. Vous êtes trop aimable. Tiens. Oh, pardon, excusez, je vous en prie. C'est ma femme qui est venue ici tout à l'heure. Elle tenait ça à la main, et alors par distraction... Rose! Rose ! Monsieur ! Eh ben, venez ! Oh, je suis confus, vraiment. Surtout un jour où j'ai l'honneur... Non, de... je vous en prie, je vous en prie. Ah ben, je dis ce que je pense, monsieur Chouillou, hein. Je dis ce que je pense. Trop aimable, oui, vraiment. Monsieur m'a appelé. Mais oui, tenez, enlevez donc le seau de madame. Oh, ben qu'est-ce qu'il fait là ? Ben, c'est madame qui l'a laissé, par mégarde. Oh, ben madame a dû bien sûr le chercher. Oui, ben c'est bien, allez, allez, allez ! Et tenez, allez donc dire à madame que monsieur Chouillou est là. Oui, monsieur. Mais ben, oh, je vous en prie, ne dérangez pas, madame. Non, laissez, laissez, hein, si je ne la presse pas un peu. Les femmes ne sont jamais prêtes. Ah bien, je ne peux pas dire ça de la mienne. Ah. Tous les matins, c'est la première sortie. Le footing lui a commandé. Moi, je n'ai plus de mon âge. Alors, elle a son cousin qui marche avec elle. Mais oui, oui, oui, en effet, c'est ce qu'on m'a dit. Mais ça fait tout à fait mon affaire. Ben oui, ça ne sort pas de la famille. Mais ça ne sort pas de la famille et puis ça ne me fatigue pas. Ah, ah, ah, je vois qu'on s'occupe de notre affaire. Ah oui, oui, oui. C'est le pot de chambre. C'est le... Oui, oui, ah, vous avez reconnu. Oui, eh bien, mais ça ne me paraît pas mal, bien conditionné. Ah, pour être conditionné, ça. Et alors, c'est de la porcelaine incassable. Incassable, parfaitement. Ainsi, vous voyez. Non, non, je vous demande ça parce que c'est le point qui avait retenu notre attention à monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Ah, oui, oui. Parce que pour la porcelaine ordinaire, après mûre réflexion, nous n'en voulons pas. Oh, que je vous comprends. La moindre des choses, c'est casse. Ah, tout de suite. Ce serait gaspiller l'argent de l'État. Absolument. Tandis que ça, bravo, c'est solide. On n'en voit pas la fin. Non, mais, tenez, prenez en main, vous qui êtes connaisseur. Pas plus que si, ça. Si, si, si, voyez, comme c'est léger. Oh, c'est curieux, mais ça ne pèse pas son poids. Ah, et comme c'est agréable à la main, hein. C'est-à-dire que ça devient un plaisir. Et bien entendu, nous faisons ça en blanc et en couleur. Et si vous le désirez, pour l'armée, rayez que, comme les guérites, par exemple, aux couleurs nationales. Non, non, non, ce serait prétentieux. Je suis de cet avis. Et vraiment une augmentation de dépenses inutiles. Eh bien, mais c'est à voir, ça, c'est à voir. Mmh. On nous a présenté également des vases en tôle émaillée. Ce n'est pas mal non plus. Oh, monsieur Chouillou, non. C'est pas sérieux. N'allez pas prendre de la tôle émaillée. Pourquoi pas? Mais parce que... Ah, il ne s'agit plus là de mon intérêt personnel. Hein. Je le laisse de côté, mais... La tôle émaillée, monsieur Chouillou... Mais ça sent tout de suite mauvais. Et puis, ça n'a pas la propreté de la porcelaine. Mmh. Ça... À la bonne heure. Évidemment, il y a du pour et du contre. Ah, sans parler de la question d'hygiène. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est reconnu que la plupart des appendicites sont dus à l'emploi des ustensiles émaillés. Oui, oh, bon. Étant donné l'usage qu'on en veut faire, je ne crois pas. Oh, que... on ne sait jamais, monsieur Chouillou. La jeunesse est si légère. On veut étreiner le récipient tout neuf. On fait un ponche monstre. La chaleur fait craquer l'émail. Quelques parcelles tombent. On boit, on en avale. Enfin, vous savez ce que c'est? Moi? Non, non, non, je vous assure qu'il ne m'est jamais arrivé de boire du punch. Non, mais vous avez été soldat. Oh, pas davantage. J'ai passé mon conseil de révision, on m'a fait mettre tout nu et on m'a dit vous ne devez pas avoir une bonne vue. Ça a décidé de ma vocation militaire. J'ai fait toute ma carrière au ministère de la guerre. Ah, ah, ah, eh ben, croyez-moi, monsieur, pas de tôle émaillée. Non, non, non, prenez si vous voulez du caoutchouc durci, du celluloïde, soit, quoi qu'au fond... Rien ne vaut la porcelaine. Ah, le seul défaut, c'est la fragilité. Hein? Eh ben, du moment qu'on a paré à cet inconvénient... Tenez, d'ailleurs, vous allez voir. Pardon. Non, non, non, je vais... Non, pardon. Non, vous allez voir, la solidité. Ah non, non, ici, avec le tapis, ça ne prouverait rien. Hein? Mais là, dans le couloir, c'est du plancher. Vous allez voir. Ah. Là, là-bas, monsieur Chouillou. Non, non, non, non, non, non, restez ici. Mais regardez là-bas. Suivez-moi bien, hein. Une, deux, trois. Hop, et voilà. C'est cassé. Hein? C'est cassé. Ah oui, c'est cassé. Hein, il n'y a pas ça. Ça n'est pas un effet d'optique. Ah non, non. C'est bien cassé. C'est curieux, je ne comprends pas. Enfin, je vous jure, c'est la première fois que ça lui arrive. Il s'est peut-être trouvé une paille. Ah, peut-être, oui. D'ailleurs, au fond, je ne suis pas fâché de cette expérience. Elle prouve justement que... Enfin, comme on dit, hein, l'exception confirme la règle. Parce que jamais, Jamais ça ne se casse. Jamais. Ah, jamais. Ou alors, je ne sais pas, une fois sur mille. Ah, une fois sur mille. Oui, et encore. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai là un autre exemplaire. Nous allons pouvoir le lancer, le relancer. Non, ne tenez pas compte de celui-là, c'est une mauvaise cuisson. Oui, c'est mal cuit. Voilà. Là, regardez bien. Mmh. Une, deux... Oh non, tenez. Lancez-le vous-même. Moi ? Oui, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Oh. Allez. Oui. Mmh. Une, deux... Oh. Eh ben allez, mais qu'est-ce qui vous arrête? C'est que c'est la première fois qu'il m'arrive de jouer au bowling. Allez, n'ayez pas peur. Je vous dis, un sur mille. Hein? Une, deux, et trois. Hop, et voilà. C'est cassé. Deux sur mille, oui. Bah, écoutez, j'y comprends rien. Quelque chose que je ne m'explique pas. Évidemment, ça doit tenir à la façon de lancer le vase. Ah, je sais que quand c'est mon contremaître qui l'envoie, jamais, au grand jamais. Ah, jamais. Jamais. C'est tout à fait intéressant. Oui, oh. Mais non, c'est pas encore ça, quoi. Évidemment, vous avez pu vous rendre compte de la différence qui existe entre la porcelaine cassable et... La porcelaine incassable. Oui. Tout de même, ces expériences sont pas assez concluantes pour fixer votre religion. Mais si, je me rends très bien compte... Quoi, c'est ces mêmes vases-là, seulement au lieu de se casser, ils ne se cassent pas. Voilà. Et voilà, tout à fait intéressant. Bastien, je t'en prie, viens, ce petit me rendra folle. Je peux pas en venir à bout. Oh, mais ça tue pas la tête? Tu viens ici comme ça? Mais regarde-toi, je t'en prie, monsieur Chouillou. Je m'en fiche de monsieur Chouillou. Hein? Mais non. Mais je t'en prie, enfin. Monsieur Chouillou, ma femme. Madame. Oui, bonjour, monsieur. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de me montrer ainsi? Mais je vous en prie, madame. Une jolie femme est bien de toutes les façons. Trop aimable, merci. Je t'en prie, il n'y a pas moyen de venir à bout de ce petit. Quand on lui parle de purgation. Oui, ben, tant pis, je regrette. Je suis là à causer sérieusement avec monsieur Chouillou. J'ai autre chose à faire que de m'occuper des purgations de ton fils. Oh, voilà un père, monsieur, voilà un père. Oui, madame, oui. Je te prie d'aller t'habiller. C'est honteux pour toi de voir dans quel état tu oses te montrer. Faut vraiment n'avoir aucun souci de sa dignité. Eh, oh ben, si tu crois que je vais m'occuper de ma toilette dans des moments pareils. Vous avez un enfant souffrant, madame? Oui, monsieur, oui. Mais il n'a rien, monsieur Chouillou, il n'a rien. Enfin, il n'a pas été ce matin. Ah. Mais oui, bah oui. Un peu de paresse d'intestin. Il appelle ça rien, lui, il appelle ça rien. On voit bien qu'il ne s'agit pas de lui. Enfin, quoi? C'est l'affaire d'une purgation. Oui, oh, c'est bien, mais purge-le, si tu peux, toi. C'est pour ça que je te dis de venir. Seulement, il n'y a pas de danger. Toutes les corvées, c'est pour moi. Oh, vraiment? Ne dirait-on pas qu'il s'agit de quelque chose de grave? Ce n'est pas grave, en effet, mais tout de même, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Ah! Tu vois ce que dit monsieur, qui a dû savoir. Ah, vraiment, monsieur Chouillou? Évidemment. Est-ce que l'enfant est sujet, enfin, pardonnez-moi le mot, à la constipation? Il a plutôt tendance, oui. Oui. Eh bien, il faut surveiller ça, parce qu'un beau jour, ça dégénère en entérite, et c'est le diable pour s'en défaire. Là, tu vois. Je peux vous en parler savamment. J'en ai une qui a duré 5 ans. Oh, pauvre bébé. Merci. Comment? Oh, pardon, je croyais que c'était à moi. Mais non. Ben oui, madame, 5 ans. J'avais attrapé ça à la guerre. En 70? Non, en 98. En 98? Il n'y a pas eu de guerre en 98. Mais à la guerre, au ministère de la guerre où je suis fonctionnaire. Ah bon? Oui, parce que monsieur Chouillou... Oui, je sais. Et souvent, j'avais soif, je buvais de l'eau qu'on prenait là, n'importe où. J'étais le monsieur qui disait, oh là, les microbes, l'eau du robinet, voilà. Et oui, eh bien, à ce régime, je me suis collé une bonne entérite. Et résultat, j'ai dû aller 3 ans de suite à plombière. Ah! Alors, pour bébé, vous croyez que plombière? Ah non. Lui, il aurait plutôt l'entérite à forme constipée. Châtel-Guyon conviendrait. Moi, j'avais en quelque sorte l'entérite... Mais si on s'asseyait... Mais c'est ça, monsieur Chouillou. Tout ça est si intéressant. J'avais plutôt, dis-je, l'entérite... pardonnez-moi cette confidence. Oui. L'entérite relâchée. Ah. Oh, comme c'est intéressant, monsieur Chouillou. Alors, plombière était désignée. Oh, quel régime! Et qu'est-ce qu'on vous fait faire à Châtel-Guyon? Hein? Je ne sais pas, madame, je n'ai pas été. Mais à plombière, tous les matins, une douche ascendante, un litre et demi. Oui, oui, ça m'est égal. Mais vous savez pas si à Châtel-Guyon ? Mais non, madame, je vous dis, je n'y ai pas été. Une fois la douche terminée, je prenais un bain, un bain d'une heure. Après quoi, un massage ? Oui. Après quoi, le repas ? Rien que des plats blancs, purée, pâtes, macaroni, nouilles, gâteaux de riz, de semoule. Oui, mais à Châtel-Guyon. Ah, mais puisque M. Chouillou te dit qu'il n'y a pas été. Mais je suis désolé. Hein, il ne peut te parler que de son régime de plombière. Mais je m'en moque, moi, de son régime de plombière. Ah, pardon. En quoi veux-tu que ça m'intéresse, le régime de plombière de M. Chouillou, puisque pour bébé, c'est Châtel-Guyon ? M. Chouillou, qui est un homme intelligent, me comprend très bien. Mais oui. Il pourrait aussi me raconter comment on pêche la morue à Terre-Neuve. Ça serait très intéressant, ça n'aurait rien à voir avec la santé de Toto. Ben évidemment. Je ne suis pas là pour écouter des histoires, j'ai à purger bébé. Eh ben bon, bien, ça va bien, alors va purger bébé. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, monsieur ? Je vous en prie, madame. Alors, tu veux pas venir, non ? Ah non, non ! Ce père, ce père ! Oui, c'est entendu, bon ! Hé, habille-toi ! Oui, oh, oh, ce père ! Oh. Entrer dans une tenue pareille, on n'a pas idée. Ça a l'air d'une femme bien charmante, que madame Follavoine. Hein? Oh, délicieuse, délicieuse, monsieur Chouillou. Et quelquefois un peu... Ah, mais sans ça, délicieuse. Ah oui, évidemment, vous n'avez pas bien pu la voir. Je regrette qu'elle se soit présentée ainsi, pas habillée. Non, mais je me rends compte très bien de ce qu'il y a avec des... Ah oui, oh! Oh, mais non. Ainsi, pas coiffée, mais... avec ses bigoudis. Ah, justement, ses cheveux. Ses cheveux, c'est ce qu'elle a de mieux. Des cheveux superbes, frisant naturellement. Ah, oui, ah. Alors, quand vous la voyez comme ça. Mais la coquetterie est elle. Et alors, quand on part dessus le marché, elle croit devoir s'inquiéter pour son fils. Il n'a rien, somme toute, cet enfant. Mais rien ! Seulement, allez donc lui dire ça, hein ? Tenez, vous lui avez parlé de Châtel-Guyon, ça y est. Maintenant, il ne va plus y en avoir que pour Châtel-Guyon. Oh, je suis désolé si à cause de moi... Pas du tout. Seulement alors, quand, après ça, vous êtes venu lui parler de votre régime à plombière... En dedans de moi-même, je ne pouvais m'empêcher de me tordre. Ça ne l'intéressait pas du tout. Mais pas pour un sou. Oh, c'est pauvre, madame Fenavian. Et moi. Oui, eh ben, tu vas un peu par ton père. Il est furieux après toi, papa. Veux-tu dire à ton fils? Oh, je t'en prie, hein. Ah, oh, oh, allons, voyons. Je dis à Toto que t'es furieux après lui. Il doit te tordre avec Monsieur Chouillou. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a que je te prie de faire obéir ton fils. Fais-moi le plaisir de le purger. Moi ? Oui, toi. Voilà la bouteille. Voilà le verre. Moi, j'y renonce. Mais c'est pas mon affaire. Est-ce que ça me regarde ? Je te demande pardon. Tu es son père. C'est à toi à faire montre d'autorité. Je te demande pardon, Monsieur Chouillou. Je vous en prie. Alors qu'est-ce que c'est, monsieur Toto, hein ? Je suis très mécontent. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Comment ? Voilà ce que j'entends depuis une demi-heure. Comment, mon petit ami ? C'est un grand garçon comme vous. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? D'abord, dis bonjour au monsieur. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Oui ? Eh ben, on ne te demande pas ce que tu veux, hein ? Dis donc, espèce de petit garnement, est-ce que tu t'imagines que... Oh, t'as pas fini, toi ? Oh, zut ! On ne peut pourtant pas ne pas le purger. Il a une langue d'un blanc. Fais voir ta langue, monsieur. Attendez, pardon. Voyons. Là, fais voir ta langue. Mais... Toto tire une langue toute noire d'encre. Mon Dieu, elle me paraît plutôt noire. Ah oui, mais ça c'est parce qu'il a travaillé. Mais il est facile de se rendre compte qu'il a la laine trouble. Tiens, fais ha dans le nez du monsieur. Non, merci, non. Quoi, vous n'êtes pas dégoûté de la laine d'un enfant ? Du tout, mais... Eh ben alors... Va, fais ha dans le nez du monsieur. Mais non, je vous assure, je n'ai pas besoin, je m'en rends très bien compte. Qu'est-ce que c'est, mon petit ami ? C'est comme ça qu'on est raisonnable. Allez, comment vous appelez-vous ? Eh ben, réponds, voyons, comment t'appelles-tu ? Je veux pas me purger. Oh, il s'appelle Toto. Ah ? Oui, c'est un diminutif d'Hervé. Tiens, ah, c'est curieux. Et vous avez quel âge ? 6 ans ? 7 ans, monsieur. Ainsi, voyez, 7 ans. Et vous vous appelez Toto. Mais quand on s'appelle Toto et qu'on a 7 ans, est-ce qu'on fait une histoire pour se purger ? Ça m'est égal. Je vais me purger. Oh, c'est très mal. Qu'est-ce que vous direz donc plus tard quand vous irez à la guerre ? Oh, taisez-vous, hein. Ça m'est égal. J'irai pas à la guerre. Ah, vous n'irez pas. S'il y en a une, cependant, il faudra bien. Ça m'est égal, j'irai en Belgique. Hein? Oh, chérie, va. Est-il intelligent? Ah, mais compliment. C'est vous qui l'élevez dans ses idées. Mais non. C'est très mal de dire des choses comme ça, Toto. Enfin, tu entends, Hervé? Mais laisse-le donc tranquille, cet enfant. Tu vas pas l'ennuyer avec des choses qui ne sont pas de son âge. Il est bien sage, bien raisonnable. Hein? Il va faire plaisir à sa maman. Et prendre gentiment sa purgation. Je veux pas me purger. Mais puisqu'on te dit qu'il faut... Regarde, Toto, hein. Si tu avais obéi tout de suite, ça serait fait, tu serais débarrassé. Ça m'est égal, je veux pas. Alors, veux-tu être raisonnable? Voyons. Non, je veux pas. Mon petit ami, moi, quand j'avais votre âge, quand j'étais tout petit, quand mes parents me disaient de faire une chose, eh bien... Ta gueule! Oh, oh! Comment? Oh, rien. Oh, pardon. Ah, et puis en voilà assez, hein. Tu vas me faire le plaisir d'obéir, hein. C'est pas un avorton de ton espèce. Enfin, tu es fou. Tu vas pas bousculer ce petit maintenant. Mais enfin, tu l'as pas entendu. Il a dit ta gueule. Ah bah, il a dit ta gueule. Quoi, c'est français? Oh, oh, oh. Mon pauvre chéri, va. Oh, non, alors zut. Oh, va, ton père est un méchant. Heureusement, ta maman, elle... C'est ça, voilà. Mets-lui bien ces idées-là dans la tête. Oh. Mais absolument, maltraiter ce petit qui n'est déjà pas bien. Ouais, bah dorénavant, tu sais, tu t'adresseras à qui tu voudras. Oui, oh. Prends ta purgation, mon chéri. Non, je veux pas. Si. Pour me faire plaisir. Non, je veux pas. Non. Oh, quand tu te mêles d'une chose, toi. Moi? Naturellement, toi, écoute, Toto. Si tu prends bien ta purgation, eh bien, maman te donnera une pastille de menthe. Non, je la pastille d'abord. Non, après. Non, avant. Oh, eh bien, soit là, on te donnera la pastille avant, seulement après, tu prendras ta purgation. Oui. Tu me promets. Oui. Tu me donnes ta parole d'honneur. Oui. C'est bien. J'ai confiance en toi. Papa? Bastien. Hein? La boîte de pastilles. Ah. Voilà. Je demande pardon de vous faire assister à cette scène de famille. Mais comment? C'est très intéressant pour un homme qui n'a pas d'enfant. Voilà, la boîte de pastilles. Merci. Ouvre ton béco, mon chéri. Là. C'est pas pour ça que je vous ai invité à déjeuner. C'était bon. Oui. Là. Bah maintenant, allez. Bois, mon chéri. Bois ta purgation. Non, je veux pas me purger. Quoi? Voilà, parbleu, voilà. C'est pas sérieux, Toto, je t'ai donné un bonbon. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Oh, cet enfant. Quoi, cet enfant? Quand tu répéteras cet enfant, au lieu de m'aider. Tu vois que j'y perds mon latin. Mais quoi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oh, rien, naturellement. Oh, Dieu de Dieu. Eh ben quoi, où vas-tu? Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Je vais essayer d'un autre moyen. Oh, et c'est ce jour-là qui choisit pour m'inviter des gens à déjeuner. Oh! Comment? Quoi? Et qu'est-ce qu'a dit Madame Follavoine? Ah, rien. Elle a dit, je ne sais vraiment pas à quelle heure on pourra déjeuner. Oh, bah, qu'est-ce que vous voulez? Oh, c'est honteux, Toto, de manquer ainsi à sa parole. N'est-ce pas, Monsieur Chouillou? Non, oh, moi, je ne dis plus rien. Enfin, voyons, Toto, tu as 7 ans. Tu es un petit homme. Tu n'as plus le droit d'agir comme un enfant. Eh ben, si tu avales gentiment ta purgation, moi, je te ferai une surprise. Quoi? Eh ben, je te dirai où sont les îles Hébrides. Ça m'est égal, je veux pas le savoir. C'est à toi. Surtout après tout le mal qu'on s'est donné pour les trouver. C'est au nord de l'Écosse. Oh. Ah oui. Et puis, il y en a d'autres aussi. Dans la Ménalée... Dans la Mélana... Dans la Manélie... Oh! Et puis zut, enfin, quoi? Tu as celle au nord de l'Écosse, ça doit te suffire. Et le lac Michigan? Quoi? Bah, où c'est qu'il est, le lac Michigan? Où c'est qu'il est, le lac Michigan? Oui. Ah, oui, oh, bah, j'avais bien entendu. Parce qu'il est embêtant avec ses questions, ce petit... Mais dites-moi, monsieur Chouillou, je vous demande ça, comme ça, le lac Michigan, vous ne vous rappelleriez pas par hasard où c'est? Le lac Michigan? Oui. Eh bien, mais c'est en Amérique, aux États-Unis. Oh, que je suis bête, mais oui. Mais dans l'État de Michigan. De Michigan, voilà, c'est le nom de l'État qui ne me revenait pas. Le lac Michigan. En 77, j'ai pris un bain dedans. Non, vous? Eh ben, Eh ben, tu vois, Toto, tu cherchais le lac Michigan. Eh ben, ce monsieur-là, qui n'a l'air de rien, eh ben, il a pris un bain dedans. Hein? J'espère qu'après ça, tu vas être bien raisonnable et prendre sagement ta purgation. Non, je veux pas. Oh! Ah, c'est un enfant qui a de la volonté. Ah oui, il en a. Là, j'apporte un autre verre. Et pour que bébé avale sagement son uniadijanos, eh bien, papa en prendra un grand verre avec lui. Quoi? N'est-ce pas? Moi? Mais maman, mais jamais de la vie! Mais je n'en veux pas, je te remercie bien! Oh, je t'en prie, n'est-ce pas? Tu vas pas dire non! Mais absolument! Je n'ai aucune envie de me purger, bois-le, ton verre, toi, si ça te fait plaisir! Oh, tu ne peux même pas faire ça pour ton fils! Pour mon fils, pour mon fils! Et aussi bien le tien! Voilà! Toutes les corvées, alors! Oui, toutes les corvées! Tu trouves que j'ai pas fait assez pour lui depuis qu'il est né, et surtout avant. Tu trouves que c'est pas suffisant de l'avoir porté pendant 9 mois dans mes flancs? Oh là là, dans les flancs, mais qu'est-ce que tu vas chercher dans tes flancs? Maman! Quoi? Pourquoi c'est toi qui vas porter dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Ah, pourquoi? Parce que ton père, s'il avait fallu compter sur lui, mais comme il savait que ce devait être moi, je vous demande un peu si c'est des choses à dire à un enfant. T'avais qu'à prendre un autre monsieur. Voilà! T'avais qu'à prendre un autre monsieur. T'es charmant. Oh, tu sais, un homme ou un autre. Eh ben, je serais pas comme ça. Chérie, va. Au moins, tu as du cœur, toi. Oh, c'est insensé, monsieur Chouillou, c'est insensé. Mais non, c'est charmant, les enfants, ces réflexions. Tu vois la différence entre un père et une mère? Ton père ne veut même pas se purger pour toi. Ça m'est égal. Je veux pas qu'il se purge. Tu entends? Il est plus raisonnable que toi. Il ne veut pas qu'on fasse boire son papa. Je veux qu'on fasse boire le monsieur. Hein? Quoi? Tu veux qu'on fasse boire le monsieur? Eh bien, on va faire boire le monsieur. Ah, ça, tu n'y penses pas? Chut, laisse donc. Vraiment, ce petit d'un mal élevé, oh. Tenez, cher monsieur Chouillou. Soyez gentil, buvez un peu pour faire plaisir à Toto. Mais non, madame, mais non, je vous remercie. Maman, ça, tu perds la tête. Oh, la moindre des choses, voyons, la moitié du verre, ça suffira. Mais non, madame, je vous en prie, mais je suis désolé. Bah, vous n'y pensez pas, monsieur Chouillou n'est pas ici pour se purger. Quoi, il n'y a pas de quoi faire une affaire pour un peu du Dianigenos. Bah, je ne vous dis pas, mais... Je comprends ça d'un enfant, mais d'une grande personne. Allons, monsieur Chouillou. Julie, voyons. Mais non, madame, je regrette beaucoup, mais je vous ai dit que précisément l'état de mes intestins me défendent. Mais c'est évident! Ben oui, mais c'est pas un demi-verre du Dianigenos qui peut leur faire du mal à vos intestins! Oh, Julie, Julie, allons! Mais vraiment, entre la santé de Toto et vos intestins, je trouve que... Je t'en prie, Julie! D'ailleurs, madame, je vous assure, je ne sais même pas jusqu'à quel point une purge est bonne pour monsieur votre fils. Ah. Non! Je vous en prie, hein! Si maintenant vous allez dire des choses pareilles devant cet enfant, ah ben c'est complet! Enfin, Julie, Julie! Non, je vous demande pardon, madame, si je vous ai dit ça. Vous voyez tout le mal que j'ai avec bébé, toute la diplomatie que je suis obligée d'employer. Julie, Julie! Si vous allez par-dessus le marché lui persuader maintenant qu'il ne doit pas prendre sa purge. Mais non, seulement je croyais. Ah, vous croyez, vous croyez! Julie, Julie! Qu'est-ce que vous en savez? Où avez-vous appris? Dans votre régime de plombière? Mais puisque c'est le contraire, le régime de plombière, puisque c'est le contraire... Écoutez, madame, je retire. Enfin, je t'en prie, Julie, en voilà assez. C'est vrai, ça? Est-ce que je me mêle, moi, si sa femme le fait cocu avec son cousin Truchet? Cocu? Au nom de Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Cocu? Ma femme? Truchet? Mais c'est faux, monsieur Chouillou, c'est faux. Laissez-moi, laissez-moi. J'ai tout... Il aperçoit le verre laissé primitivement par Julie sur la table, se précipite dessus et en avale gloutonnement le contenu. Oh! Maman, maman! Oh! Oh! Eh ben, vous pouviez pas faire ça tout de suite? Au lieu de faire toutes ces histoires? Oh! Monsieur Chouillou, je vous en prie! Monsieur... Non, pas par là, tenez, par là, tenez! Par là! Là, voilà! Ah bah, je te félicite! Ah, c'est du joli! Alors voilà ce que tu fais, toi! Eh ben... Il avait quand même pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Allez dire à ce malheureux qu'il est cocu. Quoi? Il l'est peut-être pas? Ben, c'est pas une raison pour le lui dire. Maman? Quoi, mon chéri? Tu veux te purger? Non. Qu'est-ce que c'est qu'un cocu? Ah. C'est ce monsieur, tiens, qui vient de sortir. Mais non! Enfin, voilà des choses à dire à un enfant. S'il avait bu tout de suite, comme on le lui demandait. Ah, tu es superbe, toi, une purgation. Eh ben, quand on est invité chez les gens, on prend ce qu'ils vous offrent. Il n'a aucune éducation, ton chouillou. Cet homme qui vient ici pour la première fois, qui nous parle de ses intestins relâchés, mais où a-t-il été élevé? Mais enfin, tu lui demandes de se purger! Moi, je lui ai demandé de se purger? Mais je m'en moque! qui se purge. Je lui ai demandé de boire un verre du Diadijanos. Je ne lui ai pas demandé de se purger. Mais ça le purge tout de même. Ah, bien ça, ça le regarde. En somme, quoi? Il l'a avalé tout de même, ça purge. Alors, qu'est-ce qui nous ennuie? Oui, oh ben, ça me met en bonne posture pour la concession des vases militaires. Voilà, voilà tout ce que tu vois, toi. Ouais, oh ben, comment vais-je rabibocher ça, maintenant? Madame Chouillou, monsieur Truchet. Ah non, ah non, non, reçois-les, hein. Moi, après ça, je ne veux plus les voir, hein. Mais non, Bastien! Bastien, je le connais pas! Ah bah ça m'est égal, arrange-toi! Mais non, Bastien! Madame Follavoine, sans doute, hein? Non, oui, oui. Oh, madame, enchantée! Je craignais que nous fussions en retard, je vois que non. Non, non, excusez-moi, j'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Mais comment donc, je vous en prie, si vous allez faire des cérémonies. Monsieur Truchet, mon cousin, que vous avez eu l'extrême amabilité. Ah, madame, je suis confus de mon indiscrétion. Pour la première fois que j'ai l'honneur. Mais je vous en prie. Et c'est à vous, madame, cette charmante petite fille. Oui. Oui, seulement c'est un petit garçon. Ah, oh, à cet âge-là, n'est-ce pas, il n'y a rien pour distinguer. En effet, oui. Oui. Et monsieur Follavoine n'est pas là? Si. Si, par là, par là. Avec le cocu. Oh. Comment? Rien, rien, c'est un employé de mon mari qui... Qui s'appelle le cocu? Oh, quel nom fâcheux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et difficile à porter, difficile. Oui, oui. A-t-on idée, le cocu? Oh, mais ça me fait penser, mon mari doit être arrivé. Oui, oui, oui, oui, parfaitement, il est là. Ah, avec eux? Eux, qui eux? Eh bien, monsieur Follavoine et monsieur Lecocu. Ah oui, ah oui, oui, oui, oui, oui. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Non, non, non, laissez-moi. Asseyez-vous laissez-moi. Donc. Laissez-moi. Monsieur Chouillou, je laissez-moi. Vous jure. Laissez-moi. Non, mais monsieur Chouillou. Oh, Dieu. Vous, misérable. Quoi? Voilà, voilà, tenez, la femme adultère. Quoi? La voilà, tenez, l'ami félon. Mon ami, mon ami. Le voilà, tenez, le cocu. Le voilà. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est fou, mon ami, c'est fou. Mais qui est-ce qui vous a dit? Qui m'a dit? Tenez! Demandez à monsieur! Demandez à madame! Mais c'est faux, monsieur Chouillou, c'est faux! Mon ami! Arrière, madame, je ne veux plus vous voir! Quant à vous, monsieur, vous recevrez mes témoins! Mon ami, je t'en prie, écoute-moi! Chouillou, Chouillou, mon ami! Non! Non, mais monsieur Chouillou! C'est vous qui avez dit ça? Mais non, il y a un malentendu! C'est bien, vous me rendrez raison! Oh, nom de Dieu! Oh! J'attends vos témoins! Oh, nom de nom de nom! Oh. Eh bien, tu es content. Voilà ce que tu nous amènes avec toutes tes histoires. Moi? Moi? Tu oses dire que c'est moi? Naturellement, toi. Si tu n'avais pas invité tous ces gens-là à déjeuner. Moi? Moi? Oh, laisse-moi donc tranquille, tu n'en fais jamais d'autre. Oh, bah c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai un dieu à la cause d'elle, et c'est ma faute. Oh non, non, non, non, non, cette femme me rendra fou. Étouffant d'indignation, il aperçoit près de lui sur le guéridon l'autre verre du Diadijanos. Il se précipite dessus et l'avale d'un trait. Oh! Chic, chic, chic, chic, chic, chic. Maman, maman. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, viens. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Voilà, j'ai bu. Quoi? La purgation. Tu as bu? Oh, chéri, que c'est gentil. Eh bien, tu vois, c'était pas bien terrible. Oh non. Ah non, non, non, non. J'ai mieux m'en aller. J'ai mieux quitter la maison. Bastien, bébé a pris sa purgation. Je m'en fous. Il s'en fout, il s'en fout. Tiens, le voilà, ton père, il s'en fout. Ah, heureusement, tu as ta mère. Va. Va. Aime-la bien, mon chéri. Aime-la bien. France Culture et la Comédie-Française viennent de vous présenter deux pièces en un acte de Georges Feydeau, Léonie est en avance ou le mal joli et On purge bébé. Les interprètes de On purge bébé étaient Alain Pralon, Follavoine, Jean-Paul Moulineau, Adôme Chouillou, Philippe Etès, Horace Truchet et Mesdemoiselles Françoise Seignier, Julie Follavoine, Albert Aveline, Clémence Chouillou, Fanny Delbris, Rose et Emmanuel Miou, Toto.